fait du bien. Il est 6h. Qu'on amène le coq et qu'on démarre cette journée. On va écouter DJ Snake juste après les infos. Dans 10 minutes, c'est les concours du jour spécial route. C'est une sorte d'hommage aux gilets jaunes. Je ne sais pas. Il y a des concours sur la route en ce moment. Tout de suite, les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le Rhône en alerte orange, neige et verglas ce matin. Premier gros épisode hivernal pour la région lyonnaise, mais aussi du centre-est avec des flocons tombés cette nuit. Ça ne tient pas partout, mais ce vendredi, certains départements se réveillent tout de même sous un petit voile blanc ce mardi. La journée sera nuageuse pour tout le monde. En tout cas, quelques éclaircies peut-être, principalement vers la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne. Cet après-midi, il fera 3 degrés à Angers, à Bourg-en-Bresse, comptez 9 à Albi, jusqu'à 13 pour Toulon. Les gilets jaunes avec une nouvelle journée de mobilisation hier plus faible que les précédentes. Malgré tout, le ministre de l'Intérieur a rappelé que tous les blocages stratégiques comme ceux des dépôts de carburant seraient levés par la police. Et une première condamnation a été prononcée. Un manifestant est écopé de 4 mois de prison ferme pour avoir traversé et tenté de bloquer une autoroute près de Strasbourg. Une autre mobilisation aujourd'hui, celle des infirmiers, des infirmières qui ont prévu de manifester ce mardi devant une vingtaine de préfectures. Les blouses blanches estiment être les grands oubliés, les grandes oubliées des réformes du plan santé du gouvernement. Dans le milieu, on réclame notamment plus de moyens. La chute d'un patron emblématique, Carlos Ghosn, le boss de Renault-Nissan, le premier constructeur automobile mondial, a été arrêté hier au Japon. Il est notamment accusé d'avoir caché une partie de ses revenus aux impôts. On parle de plusieurs millions d'euros. Les conseils d'administration des deux entreprises pourraient vite le renvoyer. Les impôts toujours, mais à notre niveau. Cette fois, dernier jour pour payer votre taxe d'habitation si vous n'êtes pas mensualisé. Vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour régler sur Internet. Par courrier, c'est déjà trop tard. Le sport, le foot, grosse déception pour les Bleus. Éliminé de la Ligue des Nations sans jouer. Les Pays-Bas se sont qualifiés pour le Final Four en juin grâce à leur nul en Allemagne décroché hier à la dernière minute. Il faudra donc essayer de terminer 2018 sur une bonne note ce soir pour les champions du monde. Ils reçoivent l'Uruguay en amical à Saint-Denis à partir de 21h. C'est aussi le remake du quart de finale victorieux pour la France lors du dernier mondial. Elles sont un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Les visages des 30 finalistes de Miss France ont été dévoilés hier. Concernant le jury de l'édition 2019, il y a une rumeur qui court en ce moment. Selon Aujourd'hui en France ce matin, Jennifer pourrait passer du fauteuil de coach de The Voice à celui de juré pour le concours de beauté. La prochaine Miss France sera élue le 15 décembre. Ce sera au Zénith de Lille. Et puis on termine avec des bêtes de scène. Les préventes pour le CD DVD live de la tournée de Coldplay sont ouvertes. Le concert a été enregistré au Brésil lors d'un show à Sao Paulo sur le Head Full of Dreams Tour, sortie prévue le 7 décembre pour le coffret. 6h03, c'est la fin de ce flash. On est le mardi 20 novembre. Bon réveil, bonne matinée. Manu dans le 6-9 tout de suite sur Énergie. Rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Très bonne journée. Coucou les Wawa. Coucou. Bonjour Isabelle. Réveillée. Bonjour Paulette. Au taquet. Bonjour Glandu. On sautille. Bonjour Nico. Sors les moonboots. Bonjour papa. Oh, moi je reste cool là. Et bonjour tout le monde. Ça commence. Il est 6h03, nous sommes le 20 novembre. Bonjour mardi. Bonjour mardi. Dans 10 minutes, même pas 10 minutes, les concours du jour arrivent. Des gens improbables qui font des choses improbables aujourd'hui, spécial route. Ah ouais. Super. Okay. Des gens sur la route. Je ne sais pas si c'est les gilets jaunes qui ont déclenché une vague de concours qui arrive. Mais là, il y a de la belle histoire. Okay. Ouais. En France et dans le monde. Restez là, ça va arriver juste après DJ Snake. Pour démarrer la journée, on va vous mettre une photo sur Facebook, même plusieurs photos. Ouais. Facebook.com/Manu dans le 6-9. De nous, totalement rasés. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avions reçu ce message vocal sur l'application Manu dans le 6-9. Salut les Wawa. Bah moi je vous lance un défi. Il faut tous vous raser la barbe pour la semaine prochaine. Gros bisous. Et on a fait le défi. Ouais. Alors, on devait le faire pour hier, mais hier on a fait une petite blague à Nico, il était seul à le faire. Mais nous avions dit qu'on allait le faire aujourd'hui. Ouais. Le résultat est là. Ouais. Je ne m'étais pas rasé complètement depuis peut-être 10 ans. Mais oui, c'est pareil. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment un truc. Et j'ai pour vous dire que hier quand je me suis rasé. Ouais. je me suis rappelé, c'est vraiment la Madeleine de Proust, quoi. C'est, tu te rappelais, oh, c'était ça, se raser. Mais oui. Oh là là là. Alors, ça ne s'oublie pas, comme le vélo. Je me suis pas coupé. Mais cette odeur, effectivement, de la mousse à raser, quoi. Et puis, non, mais surtout, moi, ce qui m'a saoulé, c'est la longueur. Le temps que tu mets à te raser. Les mecs, ils font ça tous les matins. Oh là, vous savez pas ce que c'est, les filles, de se raser, de s'épiler, tout ça. Mais. Si, s'épiler, on sait quand même. On souffre. Oui, non, c'est une blague. Ah, pardon. Il y a vraiment un problème de compréhension entre les hommes et les femmes sur tout ce qui est vanne. C'est pas grave. Bref, j'ai mis du temps, ça m'a pris du temps. Et puis j'ai l'impression d'être reparti, mais 15 ans en arrière. Quoi. Ouais. C'est ce que je disais à Glandu ce matin, c'est que moi je l'ai jamais connu sans barbe et j'ai l'impression de le voir sur les photos de ses Facebook, les photos dossiers que tu retrouves de lui quand il était ado et tout. Exactement. Machin. C'est drôle. Mais Glandu aussi, hein. Mais j'ai une tête bizarre. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est quand tu sors dans la rue, c'est que tu ressens le froid beaucoup plus. Oui. En fait, la barbe, ça tient vachement chaud. Ouais. Mais alors, moi je l'ai fait vraiment hier soir, seul chez moi. Je voulais pas le faire hier après-midi, devoir sortir faire des courses. Mais vous avez de belles lèvres tous les deux. Mais oui, on les voit jamais tous en fait. Tous les deux, Glandu et moi. Bah oui, vous avez des belles lèvres. Ah ouais. C'est joli, on les voit. Merci. Ah, ça me fait plaisir. C'est vraiment le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Mais non, mais on les voit jamais. Oui, bah c'est bien. Écoute, je suis heureux que. C'est gênant. On va vous mettre des photos de nous comme quand on avait 14 ans, donc. Sur Manu dans le 69.com et sur notre page Facebook. Ouais. Qu'avez-vous envie de partager avec nous pour démarrer la journée autre que je me suis rasé, Isabelle? Moi, j'ai juste une question à vous poser. Oui. Est-ce que les hiboux peuvent aller dans l'espace? Est-ce que les hiboux peuvent aller dans l'espace? Oui. Oula. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Alors personnellement, je n'en sais rien, je me suis jamais posé la question. Moi, je me dis qu'ils doivent pas avoir très envie, donc s'ils y vont, c'est qu'on les envoie et je suis pour qu'on les laisse tranquilles. Après, peut-être qu'ils ont envie, mais effectivement, ils n'ont pas construit une navette spatiale, donc ils peuvent pas y aller. Après, est-ce qu'ils se sont dit que peut-être ils iraient là-haut? Je ne sais pas. Après, on a envoyé des animaux dans l'espace. Est-ce qu'on a déjà envoyé des hiboux dans l'espace? Je ne sais pas ça. Non, mais la question, c'est est-ce qu'ils peuvent y aller, c'est ça? Est-ce que les hiboux peuvent aller dans l'espace? Ah bah non, je pense qu'il faut un scaphandre spécial à hiboux. La vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est pourquoi tu nous poses la question. Non, mais c'est bien, j'ai tout noté. Je lui dirai, en fait, c'est pour mon fils de 5 ans, parce que parfois je sèche. Je sais plus quoi répondre. Merci. Il t'a posé ça comme question. Entre autres, hein, parmi mille autres questions. Mais ça, là, je l'ai gardé pour vous, parce que je suis fatiguée. Mais comment à 5 ans, tu te dis, est-ce que les hiboux vont dans l'espace? C'est bizarre. Écoute, c'est terrible. Isabelle est tabou. Mais si, je sais pas, tu vois un hibou passer dans le ciel, t'as une soucoupe volante en jouet dans les mains, et puis tu fais un lien et tu te dis est-ce que lui pourrait y aller, quoi. Ou alors il a vu un hibou, il s'est dit est-ce que je pourrais l'envoyer dans l'espace, ce hibou. Et là il a commencé à fabriquer une fronde. Il est taré, il faut le suivre. En tout cas, merci pour vos réponses. Hein, c'est cool. Tu sais quoi, merci à toi de partager avec nous les questions de ton fils. Et je pense que c'est une bonne idée que de temps en temps, dès qu'il te pose une question, tu l'enregistres. Ah bah ça marche. Tu sais quoi, et ensuite t'arrives et tu dis tiens, voilà une nouvelle question de mon fils. C'est génial. Maintenant on crée du contenu dans l'émission avec des enfants. Vraiment, on a plus rien de rien de rien de rien de rien. Allez, 6h07, Didier Snek et Selena Gomez sur Énergie. Et juste après, dans 3 minutes, c'est les concours du jour. On est mardi, c'est le 20 novembre. Et on démarre la journée tous ensemble. Soyez les bienvenus. C'est Manu dans le 6-9 avec nous. Bon réveil. Bailame comme si fuera l'ultima vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bébé. Taki taki, taki taki rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anunnaki. No le va a él. Va. Oh, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Bye. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback. It's hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Hey, he say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje venticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh. body already know how to play. The work could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. We'll get high in the party. It's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gets on. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Bon réveil sur Énergie. Kenji arrive pour vous dans 3 minutes. Et avant ça, voici, comme chaque matin, des gens improbables qui font des choses improbables. Ça s'appelle les concours du jour. Oui. Ouais. Aujourd'hui, spécial concours sur la route. Ah, ok. Nous démarrons en Chine. Lors d'un contrôle routier, un homme saute de sa voiture en marche, puis passe par-dessus un pont pour fuir. Ouais. Apparemment, il a un truc à se reprocher. Ouais. Sauf que, en sautant du pont, il se casse la jambe. Aïe. Du coup, il peut plus bouger. Du coup, la police l'arrête assez facilement. Ouais. Elle lui fait souffler dans le ballon. Et là, il est à 0 g d'alcool dans le sang. Bah alors ouais. Ouais. En fait, pourquoi il avait fui? Parce qu'il avait bu il y a 2 jours. 2 jours avant, il avait bu. Okay. Il était persuadé d'avoir encore des traces d'alcool dans le sang. Mais non. Du coup, non. Il a fui. Oh, et en fait, il a été arrêté pour la fuite. Du coup, et mise en danger d'autrui, blabla, la voiture en marche, etc. Ah non. Voilà, quand voilà. Je dis que boire, ça fait faire n'importe quoi, encore une preuve. Ben, encore 2 jours après, même. Ouais. En Belgique, un homme a été arrêté par la gendarmerie. La raison, il roulait sur l'autoroute à toute vitesse sur sa jante avant gauche. Hein? C'est-à-dire que sur la roue avant gauche, il n'y avait pas de pneu. Ouais. Voilà. Alors évidemment c'était pas discret. En plus le mec faisait des étincelles en roulant hein. Ouais. Il s'est fait arrêter. Il a dit cette phrase: je savais bien que je sentais un truc pas comme d'habitude en roulant. De toute façon le mec il voulait peut-être faire des économies aussi. Oui, bien sûr. Là je vais peut-être pas le changer tout voilà. De suite. Peut-être qu'il devait mettre les chaînes sur les roues. Et c'est tellement galère qu'il s'est dit bon autant rien mettre. Voilà. Dernier concours du jour sur la route. Ça se passe à Besançon. Un cycliste et un automobiliste se sont percutés sans gravité. Mais particularité, ils étaient tous les deux bourrés. Oh non. Aïe. Et c'est pas tout, sans le savoir, ils se rendaient tous les deux au tribunal pour conduite en état d'ivresse. Oh non. Alors, ils ont été arrêtés. Ouais, ouais, ouais. Vous me croyez si je vous dis que du coup ils ont pas du tout été acquittés, j'imagine. Ah bah, ouais. Effectivement. 6h12, les concours du jour, vous pouvez les retrouver aussi en podcast. Manu dans le 69.com ou l'application Manu dans le 69. Kenji arrive dans 3 minutes et on va faire un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Mamie bébé chien. Cool. Ah oui, j'adore. Ah, ouais. Le principe est très simple. Vous pouvez venir avec nous en nous appelant au 0870 42 48. Le principe, il est simple. On donne une situation et on imagine est-ce qu'on préfère la vivre avec une mamie de 90 ans, un bébé de 3 mois ou avec un chien. Ok. J'aime ces moments, j'aime mon émission. J'aime. Je vous aime tous, c'est génial. Ah, merci. À tout de suite. Manu dans le 6-9. Oh, Manu. Dans le 6-9, Manu. Sur Énergie. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace. Face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Leave behind. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head, won't break it. I can taste it, the end is upon us. I swear, I'm gonna make it. I'm gonna make it. C'est Manu dans le 6-9. Il est 6h16 et juste après Kenji, les amis, nous allons nous demander si on préférerait vivre avec une mamie, avec un bébé ou un chien. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, restez avec nous, vous allez comprendre. C'est dans 3 minutes sur Énergie, il est 6h16. Bon réveil. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami. Bienvenue sur Énergie, il est 6h19. On va s'écouter The Prince Karma, Later Bitches. Later Bitches. Mais avant ça, est-ce que vous préféreriez vivre une situation avec une mamie de 90 ans, avec un bébé de 3 mois ou avec un chien? Ouais. C'est parti, on propose des situations. Nico. Être bloqué dans un ascenseur. Oh là là. Faire avec une mamie, wow. Un bébé ou un chien? Ah, c'est compliqué. Je crois que c'est la mamie. Ouais. Ah bon? Parce que le bébé, il va pleurer. Ouais. Il va pleurer et ça résonne dans l'ascenseur. Ouais. Un chien, il va faire pipi par terre. C'est ça. Ouais. Ah, une mamie aussi. Ouais. Non, non, oh. Pardon. On respecte les mamies. Alors, un chien direct, si tu restes super longtemps et par exemple, t'as froid, il se met sur toi en couverture et il te fait des câlins pour te rassurer si t'es pas bien. Et si tu restes vraiment très longtemps et qu'il faut manger quelqu'un. Oh non! Oh, le chien, c'est mieux, quoi. Ça va pas, non? En cas de cannibalisme, mais si non, tu restes bloqué des jours. Il y a une différence entre être bloqué dans la cordillère des Andes après un accident d'avion et être bloqué dans un ascenseur. Hein. C'est pas le. Ouais, c'est vrai. On n'est pas obligé de manger des gens en sortant dans l'ascenseur. Je crois que ça ne s'est jamais arrivé que un mec arrive et qu'il voit un mec juste avec quatre corps et. Désolé, j'avais faim. Non, ce n'est pas arrivé. Mais par précaution, Glandu prend l'escalier maintenant. Mamie, bébé ou chien, des situations, Isabelle. Prendre un cours de conduite. Prendre un cours de conduite. Ouais. Alors Je dirais. C'est compliqué là. Mamie. Ouais. Pourquoi une mamie? Elle peut te donner des petites astuces conduite, quoi. Oh non. Non, la mamie, elle peut t'aider à enlever des taches sur une chemise. Hein, ouais. En plus, mamie, elle est craintive, elle a peur, elle va te stresser. Non, non, ouais. Le chien, ça reste tranquille. Ouais, mais le chien, il peut te sauter dessus pour te faire la fête. Ah, quoi? Bah oui. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Alors qu'un bébé, il est bloqué derrière, il est bien. En même temps, c'est dangereux pour le bébé, le cours de conduite quand même. Hein. Puis il peut pleurer, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est que toi, tu sais pas conduire quand tu prends un cours de conduite. Oui, aussi. Oui, bah oui, c'est dangereux. Non, mais normalement, il y a un prof d'auto-école. Non, mais Isabelle, on passe à autre chose là. Paulette. Faire un road trip en sac à dos. Un road trip en sac à dos avec une mamie, un bébé ou un chien? Avec un chien. Mais oui. Évidemment, là, on sera d'accord. Bah quoi, non? Bien sûr que non. Les chiens, t'as les quarantaines, tu sais. Tu peux pas leur faire prendre l'avion, les chiens. Parce qu'il y a des trucs, tu sais, ils sont mis en quarantaine. Elle a dit un road trip, c'est sur la route. Il est déjà sur place. Ouais, mais il y a quand même des quarantaines dès que tu passes une frontière. Hein. Et tu passes pas la frontière, tu restes en France. Tu fais un road trip en Alsace, c'est très bien. Je suis désolé, il y a des montagnes. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, mamie, bébé ou chien, elle est baglandue. Allez, demander une augmentation. Ah, je pense que pour demander une augmentation, venir avec un bébé, c'est pas mal. Ouais, oui. Ouais, je suis d'accord. Regardez, vous savez combien coûtent les couches, il faut que je m'en occupe, c'est compliqué. Bien sûr. Après, ça marche aussi avec la mamie. Je dois m'occuper de ma mamie, elle doit être chez moi, et ça coûte beaucoup d'argent avec les médicaments. Tiens, tous, mamie, tous. Ah non, c'est horrible. Ou un chien bien dressé, hein. Tu lui fais montrer les crocs. La force. Alors, c'est vrai que vu comme ça, si tu fais montrer les crocs à mamie, pas ouf. On a Justine avec nous, bienvenue Justine. Salut Manu, salut les Wawa. Salut. Tu voulais nous proposer une situation et on va devoir savoir si on préfère la vivre avec un bébé, une mamie ou un chien. Oui, alors moi ce serait plutôt monter un meuble avec mamie, bébé ou chien. Avec le chien, c'est celui qui fera le moins de conneries, non? Ouais, c'est ça. Mamie, elle prend son temps, elle lit la notice, mamie. Oh non. Elle a l'expérience de vie, donc elle sait qu'un meuble. Bah, mais elle lit la notice, elle va tenir la notice, elle va mettre les vis dans le meuble. Ouais. Et après, elle dit: ah, pardon, j'avais pas tourné la page. Comment tu vois, mamie, t'exagères. Je la vois comme tout le monde la voit. Gentil, mais problème pour les notices. Désolé. Merci de nous avoir appelé, Justine. Belle journée à toi. Gros bisous. Gros bisous. 6h23, on va s'écouter Drake. Les infos, c'est à 6h30. On est là avec vous pour démarrer la journée. Les sondages du matin arrivent dans un quart d'heure. Soyez les bienvenus sur Énergie. C'est Manu dans le système que vous avez choisi. Bon réveil. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. The new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump and confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Bad bitches and we kissing in a wave, kissing, kissing in a wave, kissing, kissing in a wave. I need that black card in the code to the safe, code to the safe, code to the safe. I show 'em how to network, but that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Are you right?

Citroën non cumulable réservé aux particuliers, valable jusqu'au 28 février dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Leclerc. Chérie, mardi chez Leclerc. Et ce mardi seulement, 30% de remise immédiate sur le rayon soupe. Toutes les soupes ? Parfaitement. 30% de réduction immédiate sur toutes les soupes, de toutes les marques, de tout le rayon. Ça y est, j'ai envie de soupe. Mardi 20 novembre chez Leclerc, bénéficiez de 30% de réduction immédiate sur tout le rayon soupe. Le super pouvoir d'achat du mardi, c'est de pouvoir s'offrir ses produits préférés dans ses marques préférées. Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voir modalités magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Et c'est mardi seulement. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. 6h31, on est un tout petit peu en retard. Ça va, une minute. Franchement, hier, on a fait les 3 minutes, hein, donc on va pas se plaindre. Cool. On va écouter The Prince Karma. Il y aura aussi VG Dream. Ramener la coupe à la maison. C'est raté, la France est éliminée. Bon, je vous raconterai ça tout à l'heure. D'accord. J'ai l'impression que je perds les filles quand je parle de football. Ouais. Et les sondages du matin arrivent dans 5 minutes. Avant ça, voici les infos. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le Rhône n'est plus en alerte orange ce matin. Ça n'empêche pas la neige de tomber dans la région lyonnaise, le centre-est ou encore l'Île-de-France. Des averses de pluie, de neige mêlées le plus souvent. Quelques flocons qui ont du mal à tenir. Beaucoup de nuages, en tout cas au menu pour tout le monde ce mardi. La Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne, sauf le Finistère, devraient quand même avoir droit à quelques belles éclaircies. Cet après-midi, il fera 3 degrés à Auxerre, comptez 5 à Sarlat, jusqu'à 13 pour Fréjus dans le sud-est. Un petit calcul ce matin, si vous croisez le nombre d'emplois disponibles avec les prix de l'immobilier, vous obtenez une sorte de classement des villes les plus dynamiques pour vivre et travailler. À ce petit jeu, c'est Grenoble qui arrive en tête devant Lille et Lyon. Globalement, les chiffres se sont dégradés cette année avec des prix des loyers en hausse un petit peu partout pour des offres d'embauche en baisse. Vous retrouvez ce baromètre dans Aujourd'hui en France ce matin. Dans l'actu également, avis aux gilets jaunes. Vous risquez gros si vous prenez trop de risques. Un manifestant a été condamné à 4 mois de prison ferme hier pour avoir traversé et tenté de bloquer une autoroute près de Strasbourg. Cette saison, bravo à Val Thorens, élu pour la 5e fois d'affilée meilleure station de ski au monde. Près de 2 millions de fans de glisse ont voté pour la représentante française au World Ski Awards en Autriche. Ouverture du domaine prévue samedi si l'enneigement le permet en Savoie. Le sport, le foot, match amical des Bleus ce soir au Stade de France. Les champions du monde accueillent l'Uruguay à partir de 21h. Didier Deschamps et ses joueurs ont sans doute très mal dormi cette nuit. Le nul des Pays-Bas en Allemagne hier les prive du Final Four de la Ligue des Nations. Vous l'avez désigné artiste masculin francophone de l'année. C'était il y a seulement 2 semaines au Energy Music Awards. Soprano reste sur son petit nuage après la sortie de son nouvel album Phoenix, déjà disque d'or avec 50 000 exemplaires écoulés. Quant à sa tournée au printemps, les ventes ont démarré très fort également côté Zénith. Même constat pour les 3 stades programmés dans son Tour de France, notamment un dans le Nord. C'est un truc de fou. J'étais à Lille il y a 3 jours, on était parti faire une interview. Déjà, je vois le stade, il y a même ma tête en gros. Faut bien prendre conscience que moi, Star System, c'est pas mon truc. Je suis un mec qui vient de Marseille, dans les quartiers nord, un mec qui aime bien m'amuser, rigoler avec tout le monde, découvrir les univers des gens. Voir ta tête en plein dans un stade et après que quand tu rentres, on te dit mais tu sais, c'est complet, peut-être qu'on en fait un deuxième. Je fais quoi ? Donc bien sûr, pour moi, c'est un truc de fou. Je prends conscience, on va dire entre guillemets, mais je réalise pas vraiment, je pense. Mais en tout cas, on va essayer de faire le meilleur show possible. Voilà. La billetterie pour la grande tournée de Soprano l'an prochain, à partir du mois de mars, est déjà ouverte. Il y aura 3 stades au programme, notamment le Vélodrome à Marseille ou encore le Paris La Défense Arena du côté de la capitale. Et puis donc le stade de Lille, le stade Pierre Mauroy. 6h34, c'est la fin de ce flash mardi 20 novembre. Vous retrouvez Manu dans le 6-9 sur NRJ. Bon réveil et bonne journée. Il est 6h35, soyez les bienvenus parmi nous. Dans 3 minutes, c'est les sondages du matin, spécial femme. Ah, super. Yes. Ah, c'est bien ça. Vous allez nous comprendre, enfin. Non, mais on va en parler en tout cas. Okay. On va écouter The Prince Karma, il y aura aussi VG Dream. Avant ça, quelques infos. On peut parler gilets jaunes. Ah ouais. Il y en a encore, hein. Bah oui. Il y a encore des gilets jaunes. Il y a eu plusieurs blocages hier. Alors, il y a une prochaine grosse manif qui est annoncée à Paris, samedi. Ouais. Alors, je cite les gilets jaunes. Pour faire de la capitale une ville morte. Les gars, c'est pas bien. Je comprends pas comment ils vont venir à Paris, moi. Parce qu'ils disent que l'essence est trop chère, mais pour venir à Paris, il faut de l'essence. Je sais pas, ils vont peut-être s'auto-bloquer en plus. Ah bah oui, c'est vrai. Non, vous passez pas. Non, mais on va à la manif. Vous passez pas. On va à la manif. Vous passez pas. Ok, d'accord. Mais j'en vois partout de. Je n'ai jamais vu autant de gilets jaunes en 4 jours que durant toute ma vie. Ouais. Non, mais c'est ça. Une chaîne d'infos allumée dans le noir avec tous les gilets jaunes, ça éclaire le salon. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on a dans les infos à part les gilets jaunes? Ah, une histoire incroyable. C'est passé aux États-Unis. Un homme était accusé d'avoir attaqué son ex l'année dernière. Il était en prison. Mm-hmm. Il pouvait être condamné à 99 ans de prison. Autant dire la prison à perpétuité. Voilà. Wow. Et en fait, il a été libéré. Ouais. Il a été acquitté parce qu'effectivement, ce n'est pas lui. Et comment ça a été prouvé? Grâce à un selfie. Ouais. C'est-à-dire? À la même heure, en fait, il y a une photo, un selfie qui avait été pris à la même heure. Ouais. À l'heure exacte où il était accusé d'avoir attaqué la nana. Ah. D'accord, résolument okay. Alors. Donc continuez à prendre des selfies, on sait jamais, ça peut vous aider. Ouais. Voilà. Ah bah oui, c'est important. Et alors, vous sauver la vie, quoi. Alors, et dans l'histoire, ce qui est important, comme dans les gens, c'est le selfie devait être nu. Mais quoi? Nu? Ah, c'est pour qu'on en prenne nu. Oui, c'est ça. Ah, ah oui, pardon. Non, parce que ça, c'est faux dans l'histoire. Ah ouais, super. J'ai pas fait des demandes, ouais, j'ai tenté. Ouais, ouais. Mais ça marche ça pas. Ne marche pas. Non. On va enchaîner. Ah, j'étais à ça d'avoir des selfies de. Bon. Tant qu'on parle de nu, excusez-moi, j'ai une autre info sexe. Alors, c'est peut-être étonnant, mais un rapport vient de montrer que les jeunes font moins de sexe qu'avant. Ah bon? Ah. Et en fait, jamais. Depuis qu'ils font des études comme ça, les jeunes avaient fait aussi peu de sexe. C'est la faute au porno, ça peut-être? Non, c'est la faute à Fortnite. Ah. Je pense. Voilà. 6h37, The Prince Karma sur NRJ, juste après, c'est les sondages du matin. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. Bienvenue sur NRJ, VG d'Arrive arrive. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Ça arrive dans 2 minutes, juste après les sondages du matin. Allez. Ouais. Et aujourd'hui, je vous annonçais des sondages spécial femmes. Oui. Cool. C'est la phrase que 3% des femmes préfèrent le plus entendre. Quelle est cette phrase ? T'es bien organisé. Non. Tu as de belles dents. Non, c'est original, mais c'est que 3% des femmes. Ouais. Tu sens bon des aisselles ? Oh. Non. C'est une phrase gentille Oui, c'est une phrase gentille, c'est un compliment. Tu cuisines bien ? Non. C'est un compliment physique ? Non, c'est pas physique. C'est sur genre une attitude ? Oui, on peut dire ça. Genre t'es rigolote, quoi. Eh ben c'est ça, c'est t'es drôle. Ah ouais ? C'est la phrase que 3% des femmes préfèrent le plus entendre, t'es drôle. 3% c'est pas énorme, bah non. Bah non, mais c'est pas, je crois pas que ce soit le compliment le meilleur compliment. Ah, t'es drôle, t'es pas jolie, sous-entendu. Non, mais pas forcément. C'est-à-dire que tu vois une fille, si la seule chose que tu lui dis c'était drôle. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Non, faut rajouter derrière, et en plus t'es super canon. Ouais, voilà. Oui, mais c'est pas du coup, il y a plus de sondage. Seulement 19% des femmes trouvent cette partie de leur corps attirante. Quelle est cette partie de leur corps ? Les mains. C'est pas les mains. Les jambes ? C'est pas non plus les jambes, mais on est pas loin. C'est un peu sexuel ou pas du tout ? Pas du tout, désolé. Ah, les genoux ? Non. C'est plus bas que les genoux ? Oui, c'est plus bas que les genoux. Ah bah c'est les pieds alors. Bah oui, c'est les pieds. Ah ouais. 19% des femmes seulement trouvent cette partie de leur corps attirante, les pieds. Ah ouais. Je sais pas comment vous êtes avec vos pieds, Paulette. Moi j'étais bien, mais là ça se dégrade. Non mais ils sont pas moches, je suis pas en train de dire qu'ils sont sales, mais je sais pas, je les aime de moins en moins. Je les regarde et puis je me dis bon. Les pieds peuvent changer, peuvent devenir moches. Ah non, c'est moi, mon attitude face à mes pieds quoi. Ah ok. Après c'est pas le truc que tu vas mettre en avant en premier, tu vois. Tu vas pas mettre les pieds sur la table. C'est vrai que c'est rare que t'es en boîte, quelqu'un t'en fera un verre, tu fais attends, regarde. Et tu poses ton pied et tu tournes. Les glaçons dans le verre. 38% des femmes disent en avoir eu un dans leur adolescence. Elles ont eu quoi ? Un appareil dentaire. Non. Un crush interdit, quoi. Genre amoureuse d'un prof. Ou... Non. Quelque chose de coquin ? C'est pas coquin, non. C'est humain ou pas ? Non, c'est pas humain. Non ? Non. C'est quelque chose qu'il n'y a que les ados qui font. Hein. Quand on le fait, en général, on le fait à l'adolescence, ouais. Ah ouais ? Ouais. Ah. Et c'est un truc que tu fais à la maison essentiellement ou tu peux le faire vraiment C'est plutôt à la maison. Et, ouais. Alors je sais pas, je l'ai pas fait moi. Donc, mais il y en a beaucoup qui le font. Hein. Je sais pas, poser des posters dans la chambre partout, tout tapissé sur les murs. Non. C'est un objet donc. Ouais, je vais vous le dire. Ouais. 38% des femmes disent dans leur adolescence avoir eu un journal intime. Ah oui. Vous avez eu un journal intime? Moi j'en ai eu toute mon adolescence. J'ai un cœur rose, j'ai un cœur de toutes les couleurs. Et tu les as gardés? Ouais, mais je non. Ah si, ils sont chez ma mère, c'est 600 km, tu vas y aller. Ah, tu sais, ok. Non, t'es ouf, c'est mon intimité la plus profonde. Et justement, c'est le concept de notre vie. Moi, ma sœur, elle en avait un, j'ai passé ma vie à chercher la clé pour pouvoir l'ouvrir. Ouais, j'étais bête. On a envie de savoir ce qu'il y a dedans. J'étais idiote. Bah donc du coup, tu l'as écrit il y a 2 semaines. Franchement, ce serait génial. On en parle. On débrief. Là, on envoie l'idée comme ça. Ce serait génial de dire que j'en ai ma team. Non, mais vraiment. Mais c'est ultra gênant, t'imagines. Mais t'avais 14 ans, 13 ans. On peut avoir plein d'explications du pourquoi, du comment elle est comme ça aujourd'hui, quoi. Oui. Ça peut être cool. Flipper. Je suis sûre que t'as perdu la clé comme t'es un peu tête en l'air. Ah, mais ça, c'est pas grave. Les clés des journaux intimes, c'est pas les clés des banques. Hein. Bon, on en parle. Ah ouais. On va s'écouter BG de Rime tout de suite. Et juste après, une question. Nous allons parler d'amour. Jusqu'où êtes-vous allé pour avoir quelqu'un ? Vous êtes amoureux de quelqu'un, vous voulez avoir quelqu'un. Jusqu'où êtes-vous allé ? 0870 42 48. Vous pouvez nous appeler maintenant. Ça, c'est BG de Rime de Gagnon. Accélération, virgule, petit pont, frappe, Kylian Mbappé. J'ai plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Ramener la coupe à la maison. Bienvenue sur Énergie, on va écouter Shawn Mendes, il y aura aussi Georges Ezra et dans 15 minutes, on double votre salaire à 7h05 pour la première fois de la matinée. Avant ça, nous parlons d'amour. Jusqu'où êtes-vous allé pour avoir quelqu'un? Ouais. 0870-42-48, vous êtes amoureux de quelqu'un, vous étiez amoureux, vous n'en pouviez plus et vous avez fait un truc dingue, vous êtes... jusqu'où êtes-vous allé pour tenter de l'avoir? Glandu, tu veux raconter une histoire? Ouais, moi qui s'est passé au collège, j'étais assez passionné au collège et un jour on pouvait choisir entre deux sorties de classe. Et j'ai pris la sortie musée du Louvre à la place de la sortie football, juste pour avoir une fille. Oh. Ouais, ouais. Wow. Je savais qu'elle allait prendre cette sortie et tout. Je me disais musée du Louvre, endroit rêvé et tout. Ouais. Tu vois, on a le temps, quoi. On a du temps à tuer. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a, elle a été malade le jour J. Elle a annulé. Oh merde. La... Ouais. Et donc, du coup, tu associes le mot musée à Louvre. Ah ouais, du coup, c'était un calvaire. Oh, dur. Ouais, c'est très dur. Ça, c'est dur. Ouais. Nadia, bonjour. Bonjour, salut les Wawin, salut Manu. Coucou. Bienvenue sur Énergie Nadia. Jusqu'où es-tu allée pour avoir quelqu'un dont tu étais amoureuse? Alors moi je craquais sur un motard qui adorait les filles avec des piercings. Donc je me suis fait piercinger sur la même narine, j'ai fait deux piercings. La même narine, deux piercings. Wow. Ah ouais. Parce oui, c'est la même narine, deux piercings. Parce que tu pensais qu'avec plus t'aurais de piercings, plus il allait t'aimer, en fait. Je pensais que j'allais me démarquer, en fait. D'accord. Et donc voilà, donc j'ai souffert. Au final, ça n'a même pas fonctionné. Oh. Moi, j'ai gardé les piercings. Ah oui, du coup, tu les as gardés. Bah, c'est compliqué de le dire, je les enlève. Hein. Ouais. Quand il y a le trou, il y a le trou. Hein. Écoute, bah des fois ça marche, des fois ça marche pas. Eh oui. Pour l'instant, sur des histoires, ça a pas marché deux fois. Ouais. Merci de nous avoir appelé, Nadia. Paulette ? Moi, j'avais un copain au collège, il avait tagué devant chez mes parents « Je t'aime, P ». Donc pour Paulette. Oui, ou pour Patrick peut-être. Oui, t'as vu que c'était pour toi alors que on pas du tout. Non, non, mais mon père l'a attrapé et lui a fait tout repeindre en blanc. Oh là, mais non. Ouais. Oh la vache. Ah, mais moi, je l'ai trouvé rebelle, donc je suis quand même sortie avec lui. Ah ouais, Ah mais c'était au collège, hein. Je suis sortie deux mois. C'était pour moi, c'était une relation longue. Et disons, au collège, faut avoir des cojones, hein, pour aller écrire je t'aime Paulette. Mais il était super. Waouh. Est-ce que ton père a fait, ce que ton père a fait, du coup, c'est très bien. Hein. Il faut absolument, il faut pas taguer et tout. Non, c'est cool. Bah ouais. Ouais, c'est cool, c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien les rebelles. Sinon, moi, je voyais un peu l'exploit, quoi. Ouais, non, mais attends, il y a pas d'exploit. Il faut pas taguer les murs. Non, attends, c'est très bien. Moi, je soutiens ton père, moi. Okay, ben... T'es sûr que tu vas avoir un enfant tout de suite là? Moi ça va filer droit. Je sens que lui, s'il a une fille, Nico. Oh là là là. Parce qu'il est en train de réfléchir à avoir un enfant. Hein. Ouais. S'il a une fille, putain, alors, si je pouvais choisir. Mais je veux pas être le mec à 13 ans qui va frapper à la porte. Bonjour, c'est pour sortir avec votre fille. Ah ouais, mais d'abord on va avoir une discussion, bonhomme. C'est ça. Tu la touches? Tu la touches pas, non? Tu mets un sac plastique, voilà, comme ça. Je ne veux aucun rapport entre toi et elle. Tu mets deux trous là pour voir et tu gardes ce sac plastique. Ce sera un peu ça. T'es très bien en sac poubelle. Et ma fille, pareil. Mais papa! On a Geoffrey avec nous. Bonjour Geoffrey. Salut Manu, salut les Wawin. Jusqu'où es-tu allé par amour? Alors moi j'ai invité une fille chez moi qui me plaisait, elle était fan des chats. Donc du coup j'ai demandé aux voisins si je pouvais emprunter leur pour la soirée. Et puis bah ça a marché, on est ensemble aujourd'hui. Waouh! Ah ouais? C'est dingue. Grâce à un chat. Ouais. C'est bien la première fois de ma vie que j'entends qu'un chat a servi. Ouais. Waouh! Mais du coup vous l'avez gardé le chat après? Non, non, moi j'avais juste acheté des jouets pour l'après-midi pour le chat, et puis le lendemain je l'ai rendu. Oui. Mais tu lui étais forcément, t'as été obligé de lui dire qu'il n'était pas à toi le chat. Ouais, effectivement, quand elle est revenue, il n'y avait plus de chat, donc elle a bien rigolé et ça a marché. Quoi. Ah, d'accord. Sinon, t'aurais pu dire qu'il était décédé et pleurer. Oui, c'est... Mais non. La tristesse, quoi. Il nous a quittés. Si rapidement. Merci de nous avoir appelé, Geoffrey. Ninon, bonjour. Oui, salut Manu, salut les ouin-ouin. Jusqu'où es-tu allé par amour pour avoir quelqu'un? Ben écoute, lors de mon dernier jour de stage, j'ai sorti mais le grand jeu pour déclarer ma flamme à mon tuteur, dont j'étais vraiment folle amoureuse. J'ai sorti ma robe de soirée, je suis passée par la coiffeuse, la maquilleuse, ah ouais. Et finalement, tu sais ce qu'il m'a annoncé le soir même? Ben non. Et ben qu'il aimait les garçons. Ah merde. Ah bah ça arrive. Hein. Ouais. Mais t'étais bien habillée. Ouais c'est ça. Et voilà, et voilà, et voilà. Et tout le monde t'a dit t'es bien habillée, pourquoi? T'as un rendez-vous? Alors je pensais. Et voilà. Je pensais en avoir, hein, mais non. Merci, merci de nous avoir appelé Ninon. Belle journée à toi. Bonne journée, bisous. Gros bisous. 6h52. On double votre salaire dans un peu plus d'un quart d'heure sur Énergie. Et tout de suite c'est Shawn Mendes. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I can take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. My phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. On va doubler votre salaire pour la première fois de la matinée. Vous vous inscrivez sur energie.fr ou Malu dans le 69.com et on va s'écouter Georges Ezra. Ça arrive juste après les infos, à tout de suite. Malu dans le 69. J'ai pas le temps, y'a Manu, t'es les ouin-ouin.

Offre de TVA sous forme de remise sur le prix maxi hors option. Crédit auto pour 10 000 euros empruntés, 2 000 euros d'apport, 48 mensualités de 208,34 euros. Montant total du 10 000 euros si acceptation par Ford Crédit, voire Ford.fr. L'instant Tarty. Chérie, tu peux lancer les pâtes ? Oui, ok Google, mets un minuteur de 8 minutes. Mince, y'en a plus. Ok Google, ajoute des pâtes sur la liste des courses. C'est le Black Friday chez Darty. Jusqu'au 26 novembre, l'enceinte intelligente Google Home Mini est à 29,99€ au lieu de 59,99€, soit 50% d'économie. Black Friday, vendredi fou. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h01 qu'on amène le coq. Chante, les coqs, chante. Énergie. On va doubler votre salaire juste après les infos et on va écouter Georges Ezra. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le Rhône n'est plus en alerte orange neige et verglas ce matin. Le premier gros épisode hivernal pour la région lyonnaise, mais aussi dans le centre-est avec des flocons tombés cette nuit, ça continue. Ça ne tient pas forcément partout, mais certains départements se réveillent quand même sous un petit voile blanc. Et la journée sera nuageuse pour tout le monde ou presque. Quelques éclaircies uniquement sur la Nouvelle-Aquitaine ou encore la Bretagne. Et cet après-midi, il fera 3 degrés à Angers et Bourg-en-Bresse, comptez 9 à Albi, jusqu'à 13 pour les maxis à Toulon. C'est toujours la même chose, les mêmes revendications, et pourtant rien ne bouge ou presque. Les blouses blanches sont en grève aujourd'hui pour réclamer plus de moyens dans les hôpitaux. Les infirmiers, les infirmières ont prévu de manifester devant une vingtaine de préfectures, notamment à Paris. Ils et elles s'estiment être les grands oubliés des réformes du gouvernement. De leur côté, les gilets jaunes continuent leur mouvement contre la vie chère. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé. Tout blocage de sites stratégiques comme les dépôts de carburant sera levé par les forces de l'ordre. Une première condamnation d'ailleurs a été prononcée hier. Un manifestant a écopé de 4 mois de prison ferme pour avoir traversé et tenté de bloquer une autoroute près de Strasbourg. On parle de plusieurs millions d'euros. Le PDG d'origine française de Renault-Nissan a été arrêté hier au Japon. Carlos Ghosn, patron emblématique du premier fabricant mondial automobile, est accusé d'avoir caché une partie de ses revenus aux impôts. Il aurait utilisé des biens de l'entreprise pour ses besoins personnels. Les conseils d'administration des deux groupes pourraient vite le mettre sur la touche. La taxe d'habitation maintenant, petit rappel, si vous n'êtes pas mensualisé, vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour payer sur Internet, c'est la deadline. Par contre, par courrier, c'est déjà trop tard. Le sport et le foot maintenant avec l'équipe de France éliminée de la Ligue des Nations. Les Bleus terminent derrière les Pays-Bas qui ont décroché le nul à la dernière minute en Allemagne hier, de partout. Pas de Final Four donc pour les champions du monde qui vont quand même essayer de finir l'année sur une très bonne note. Ils reçoivent l'Uruguay ce soir en amical à Saint-Denis. C'est le remake du quart de finale victorieux pour les Bleus en Coupe du Monde. Coup d'envoi à 21h. Elle change juste le fauteuil, coach dans The Voice Kids et de la prochaine saison adulte du télécrochet. Jennifer devrait intégrer, selon le journal Le Parisien ce matin, un autre jury, celui de Miss France 2019. La reine de beauté sera élue le 15 décembre à Lille, au Zénith. Et vous retrouvez tous les visages des 30 finalistes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Coldplay, pour terminer, après avoir sorti un documentaire la semaine dernière au cinéma, le groupe anglais s'apprête maintenant à dévoiler un CD-DVD live. Le show a été filmé au Brésil, à Sao Paulo, sur le Head Full of Dreams Tour. Les préventes sont ouvertes pour une dispo prévue le 7 décembre. 7h04, c'est la fin de ce flash. On est le mardi 20 novembre. Bon réveil, bonne matinée sur Énergie. Vous trouvez comme d'habitude Manu dans le 6-9. Et nous, on se donne rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Bonne journée. On est mardi, c'est le 20 novembre et on est là avec vous comme chaque matin. C'est les moins moins du matin parce que je ne suis pas seul. Il y a Isabelle. Oui, coucou. Il y a Nico. Salut. Paulette est là aussi. Hello. Il y a Glandu. Grande forme. Il y a vous avec nous. N'hésitez pas, comme chaque jour, vous pouvez nous appeler au 0870 42 48. C'est notre numéro de téléphone et c'est gratuit. Il y a aussi les réseaux sociaux, Facebook évidemment, il y a Twitter, il y a Instagram et il y a notre application. Yes. L'application Manu dans le 6-9. Elle vous permet de nous envoyer des messages vocaux. Ouais. Donc n'hésitez pas, vous nous envoyez. Nico écoute tout et ouais, il les partage avec nous. On va faire ça d'ici un petit quart d'heure. Cool. Georges Ezra arrive, mais avant ça, il est 7h05. C'est parti, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire pour que ça vous arrive et c'est gratuit. Énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com. Mathilde habite Barcarès. C'est dans les Pyrénées-Orientales. Elle a 26 ans. et elle touche 1228 euros chaque mois. Mathilde du Barcarès, on t'appelle maintenant. Attention. Allô. Ouh, ça a même pas sonné. Ah ouais, incroyable. Ah ouais. Mathilde. Oui. Ça t'a décroché hyper vite. Ouais. Mmh, d'accord. Mathilde du Barcarès, j'ai une question à te poser. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Eh ben oui. Et Mathilde, on va doubler ton salaire, c'est fait, ça y est, 1228 euros x 2, ça va faire 2456 euros pour toi. Oh là là. Oh là là. Et alors attention Mathilde, écoutez bien son métier. Mm-hmm. Surveillante dans un collège. Ah ouais. Oh. Ah. Pionne. Ah ouais. Oh là là là là là. Ouais. Oh les pions. Les pions, c'est comment dire, c'est... Quand c'est ton dernier espoir de survie quand t'es par exemple viré d'un cours. Ouais. Non, bah oui Mathilde, oui, oui. Ouais. Parce que tu te dis, eux ils me comprennent. Mm. Oh là là, il va peut-être être gentil, il va dire un mot à l'improviseur pour moi, il va faire quelque chose, il va. Ouais. Oh là là là. Ouais. Les pions, faut les avoir dans la poche. Mathilde, est-ce qu'il y a il y a déjà un élève qui a essayé de t'acheter avec genre un sneakers ou une canette de coca? Oh non. Tout le temps. Tout le temps. Génial. Évidemment, ils veulent tous être potes avec toi, et Mathilde. Ouais. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est normal. C'est quoi les pires excuses de retard que les élèves te sortent? Oh, en ce moment, on a... Oh, je suis fatiguée. Ah bah oui. Ah oui, et ça, c'est pas une excuse, ça. Oui, non, ça ne marche pas, ça. Il faut leur dire que plus tard, par exemple, quand ils auront un boulot, arriver et dire « Ah non, mais j'étais crevé là ce matin. » Ils risquent de perdre leur travail. Hein, c'est ça. C'est compliqué. Et t'es une pionne comment, toi? T'es cool? T'es sévère? T'es comment? Ça dépend. Aïe. Ça dépend des bêtises. Ah d'accord. Bah oui. T'es cool pour quelles bêtises, par exemple? Oh, les petites bêtises, les petits retards. Oui, le petit truc. Et t'es pas cool pour quelles bêtises, qu'on sache qu'on le fera pas? Les très très grosses bêtises, du genre sécher les cours, par exemple. Ah, mais oui. Ah bah oui. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est pas bien. Okay, ouais. Mais si par exemple on est dans les couloirs et qu'on s'amuse à faire du bowling avec nos sacs, ouais. Ça va ça? Non. Ah bah non. Oh non, vas-y. Le bowling sac, c'est la base. Ouais, c'est la base. Cool. Attends, mais pourquoi ils ont créé des énormes couloirs avec du parquet qui glisse si c'est pas pour jouer au bowling avec les sacs? Ouais. Franchement. Bah, c'est du carrelage déjà. Ah bah, c'est encore mieux, ça glisse mieux. Ah, ouais. Si tu mets un peu de savon. Et si quelqu'un sort d'une classe, elle se le prend dans les jambes? Mais c'est du bowling. Attends, c'est une piste de bowling. Tu as déjà marché sur une piste de bowling? Non. Alors le faites pas, oui. Bon, c'est là-dessus. J'aurais pas fait long feu avec Mathilde. Bon. Non, c'est clair. On te double ton salaire, Mathilde, 2450. Oh là là. Et ne mettez pas de savon sur le carrelage, merci. Non. On t'embrasse Mathilde, belle journée à toi, bravo. Moi aussi, gros bisous, bonne journée. Et aujourd'hui, je vous l'annonce, si votre pionne s'appelle Mathilde, vous pouvez arriver en retard, elle sera gentille avec vous. Ouais. C'est ça Mathilde, hein? C'est ça. Voilà, très bien. Non, mais tu dis pas que c'est... Belle journée à toi, bravo. Ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire. Energie.fr, Manu dans le 69.com ou l'application Manu dans le 69. Vous vous inscrivez tous les matins, 7h05 et 8h05, on vous tire au sort pour vous doubler votre salaire. Georges Ezra tout de suite sur Energie. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Bienvenue sur Énergie, il est 7h11, on va écouter mon hit préféré. En ce moment, vraiment, j'adore ça. Elle est bien. Zed avec Apina, ça arrive pour vous. Il y aura aussi Dadju. Avant ça, alors on peut parler soit du Black Friday, soit des enterrements. Qu'est-ce que vous préférez? Le Black Friday, Friday. S'il te plaît. Hein. Ouais. Ok, alors les enterrements. Non. Alors, j'ai une étude sur le Black Friday. C'est vendredi. Je pense que voilà, toutes les pubs à la radio et à la télé, c'est que sur le Black Friday. Oui. C'est des énormes rabais, des énormes remises vendredi. Et ça commence dès maintenant. Ouais. Là, ils font maintenant, c'est plus le Black Friday, c'est la semaine du Black Friday. Ouais. Mais toutes les pubs, c'est ça. C'est dingue. J'ai une étude sur les produits qui bénéficient des rabais les plus importants. Ah, génial. Vas-y. Alors, c'est sur Amazon. Ouais. Si vous allez sur Amazon, voilà ce qu'il faut faire. Mmh. Okay. Selon cette étude, le rabais moyen le plus important, c'est sur les bijoux, moins 73%. Oh non, c'est énorme. Moins 73% sur les bijoux. Wow. Cool. Vendredi, quoi. Toutes ces bagues qui vont s'ajouter sur mes petits doigts. Oh, mon Dieu. Ouais. Et là, elle va se faire greffer les doigts en plus, Paulette. Oh, les livres, les films et la musique, 48% moins cher que d'habitude. Ah ouais. Non, mais c'est, des grosses remises, quand même. Ouais, c'est énorme. 50% quasiment. Mais après, les livres, on n'en achètera pas plus, quoi. Ouais, mais j'ai dit films et musique aussi. C'est vrai. Alors, les produits de consommation courante, l'eau, les serviettes en papier, 46% de réduction, c'est pas mal. Ah ouais. Les jeux vidéo, 39% de rabais moyen. Ça t'intéresse, cool, ça? Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais. Bah alors ça c'est le coup là, faut acheter des jeux. Ouais. Oh, t'achètes une bague, j'achète un jeu. Les meubles, 37% de réduction. Les jouets, 37% de réduction. Les vêtements, les accessoires, 33% moins cher que d'habitude. Okay. Ouais, non, c'est pas mal. Et alors après les appareils électroménagers, 30%. Les téléviseurs, les home cinéma, 26%. Ouais. Et les ordinateurs et les smartphones, c'est ce qui a le moins de remises, 25% en moyenne. Ah ouais. Ouais, les trucs qu'on veut acheter en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, je garde tous mes vieux trucs. Je trouve qu'on achète trop. Il faut arrêter de consommer. Franchement. Oula. Non, c'est vrai. Tu vois, mon lave-vaisselle, il est un peu pourri. Finalement, je le garde. Mes petites plaques électriques, elles marchent pas sur les mais je les garde. Arrête, non, toi là, y en a marre. Arrête-toi là, parce que dans une minute, tu vas faire mon mec vieux, je le garde. Allez, on revient tout de suite. Je t'ai vu, je suis jaloux. On va s'écouter Dadju. C'est dans 3 minutes sur Énergie. Et c'est le retour de Georges, l'appel automatique de Georges, qui appelle quelqu'un aujourd'hui pour lui dire qu'il s'habille mal. Ah bah c'est vexant. Mais Georges il est gentil, mais il sait pas mettre les formes parfois. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Heureusement il y a Manu dans le 6-9 sur Énergie. Are you drunk or no? Now to judge what I'm doing. Are you high or no? To a skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you. Calling. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Bonjour, c'est Pierre Ménès. Bon, on va dire que je m'engage, mais bon, j'ai l'habitude. Le prochain Ballon d'Or, ce sera pas Ronaldo, ce sera pas Messi, encore moins Neymar. Ce sera Manu. Vous verrez, je ne me trompe jamais. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Alors ça me touche. Hein. À propos de foot, la France est éliminée de la Coupe de la Ligue des Nations. Mais là, j'ai l'impression que ça n'intéresse qu'une partie de l'équipe. Hein. Non, en fait, moi, je me dis que quelque part, ça me rassure. Je me dis qu'on peut être les meilleurs du monde et se planter quand même. C'est rassurant pour la vie. C'est rassurant pour nous, regarde. Nous, on n'est pas les meilleurs du monde et en plus, on se plante. Allez, 7h18, on va écouter Dadju. Mais avant ça, voici Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France est de retour comme chaque matin pour vous. Et aujourd'hui, Georges appelle quelqu'un pour lui dire qu'il s'habille mal. Mmh. Et ça peut vexer les gens. Mais c'est pas ce que Georges veut. Il veut pas vexer les gens. Il veut être gentil avec eux. Mmh. Mais il n'y arrive pas. Allô ? Bonjour. Ceci est un message automatique. Bonjour. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir. Vous vous habillez mal. Ah bon, et qui c'est cette personne qui me connaît qui a dit que je m'habillais mal? Non mais les gens sont complètement cinglés là maintenant. Hein. Souvent on me demande où je m'habille. Cette personne-là qui se regarde peut-être elle-même, elle s'est peut-être habillée plus mal que moi. Ce message n'a pas pour but de vous offenser. Bien au contraire. Alors on a des appels vraiment cons tous les jours, mais alors celui-là, je crois qu'il a noté dans le répertoire. Nous avons analysé votre look actuel. Voici la profession qui vous correspond. Vous êtes... clown. Là, je suis estomaquée. Nous avons analysé votre look actuel. Voici votre note sur 20. Moins 2. Oh, mais vous êtes cinglés, vous. Hein. C'est pas possible d'entendre ça. Mais ça va ou quoi, là? Ah, ben, je vous raccroche au nez parce que vous êtes vraiment insolente. Oh, très, très, très bon, Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France revient demain. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. 7h20, on va lire les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et on va écouter les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Nico lit tout, Nico écoute tout, il les partage avec nous, c'est dans 3 minutes. Manu, t'es motard, toi? Un peu que je suis motard. Et t'aimes la moto? Un peu que j'aime la moto. Oh, plus que ta femme. Ma moto, si j'aime plus que ma femme. Ouais, ouais, ouais. Bah disons que je suis plus avec, donc... Peut-être du coup ça, effectivement. Je sais pas, je pose la question. Ah, non. Bon, on a le motard le plus too much de France, dans 3 minutes, là. Ah oui, genre, il faut pas la toucher, c'est ça? Surtout pas. Il y a les motards qui sont, qui ont zéro recul sur la moto. Bah, il est là, c'est lui. Et bon, on va se régaler. C'est juste après Dadju sur LRG. Bienvenue parmi nous, il est 7h20, on démarre la journée ensemble. C'est Manu dans le 6-9. Bon réveil. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie. Avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié. Interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça balotte. Il m'en veut pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Yeah. J'ai toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça balotte. Il m'en veut pas de me méfier, homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. 7h23, bienvenue sur Énergie. Quand t'es pas là. Vita et Slimane arrivent pour vous, mais avant ça, on va se régaler avec vos messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Malu dans le 6-9. Yes. Nico n'est pas débordé de travail la journée, donc il dit tout, et donc il écoute tout, et donc il le partage avec nous chaque matin. Ouais. Ouais, hier, on a tous expliqué comment on essayait de sauver le monde à nos niveaux. Oui, ça, le à nos niveaux est important. Ouais, ouais. Mais si on fait chacun un petit geste pour la planète, ouais. Et ben un petit geste, on est des milliards, ça fait des milliards de petits gestes. Oui, oui. Sur Facebook, y a, tout le monde a participé, et il y en a quelques-uns de bizarres que j'ai un peu gardé. Ah. Allez, on y va. Hélène qui dit, après avoir cuisiné, je laisse ouvert mon four encore chaud pour qu'il réchauffe la pièce. Malin. Ah bah oui, c'est une technique, hein. C'est pas con. Ouais. Ouais, économie de chauffage. Moi je fais pareil avec mon grille-pain. Je me chauffe avec mon grille-pain, quoi. Ouais, bah ça chauffe pas des masses, le grille-pain. Hein. Ah bah ça réchauffe les mains, t'es très bien, un petit peu de camp, un petit peu de joie. Hein. Mmh. Mets les mains comme ça dessus. Le four, le faites pas si vous avez des enfants quand même, ça peut être un peu dangereux. Ah je oui, trouve. Ah oui, effectivement. Ah oui, effectivement. Pensez. Bon, un autre message de Seb sur Facebook. Si vous avez un chat, allez-y. Ah, oh, mais ça va pas. Non, le faites pas. Ne le faites pas. Ouais. Merci. Comment vous sauvez le monde à votre niveau? Il y a un autre message de Seb qui dit: je me balade toujours avec ma fourchette et mon couteau, comme ça j'en salis pas au resto. Ah oui, mais non, il avait annoncé, hein, c'était des bizarres. Ah oui, ouais. Je voulais dire. C'est des bizarres. Et un dernier petit message de Sandra, lui aussi il est très chelou, c'est: je ne m'épile pas en hiver pour avoir plus chaud. Ça effectivement, faut le défendre. Hein. Sandra est célibataire, je pense, pour l'instant peut-être. Peut-être. Pour l'instant et pour l'hiver. Hein. Bon, l'une d'entre vous a du mal visiblement avec l'amour que porte son mari à sa moto. Écoutez ce message vocal qu'on a reçu sur notre application Manu 69. Salut les ouin-ouin. Bon, moi, mon mari à moi, il est touchy par rapport à sa moto. J'ai pas le droit de la toucher, j'ai pas le droit de l'approcher. Si je veux m'asseoir dessus, il faut que je lui demande l'accord. Et s'il ne la sort pas pendant un week-end ou deux, il va la voir, il la caresse et lui dit: t'inquiète pas, je vais bientôt revenir. Et il revient me voir en me disant qu'elle est triste et qu'elle voudrait bien sortir un peu du garage. Allez, bisous, bonne journée. Ah ouais, ok. Wow. Donc quand tu commences à dire qu'un objet est triste, ah, et qu'il faut le balader, ouais, c'est chelou. Ouais. Prochaine étape, c'est il va mettre une laisse et une boîte de conserve, quoi. Bon, maintenant on a une réclamation. Coucou Manu, coucou les Wanwan. Alors moi je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez arrêté de faire l'horoscope. C'était tellement bien l'horoscope, j'aimais tellement. Après je passais ma journée à faire des liens avec ce que vous aviez dit et tout, c'était tellement cool. Donc s'il vous plaît les Wanwan, refaites-moi mon petit horoscope le matin. Alors on a un petit souci, c'est qu'on n'a jamais fait l'horoscope. C'est vrai, c'est mal. C'est pas depuis qu'on est là, il y a 8 ans, on n'a jamais fait l'horoscope. Ouais. Donc je suis désolé, mais merci pour ton message. Ouais, mais c'est sympa. La bonne nouvelle, c'est que t'es là. Ouais. La mauvaise, c'est que tu ne nous écoutes pas depuis 8 ans. Voilà. Bon, on termine maintenant avec une blague de couple et écoutez bien jusqu'à la fin. que je trouve ta maman le soir. Les petites marionnettes. Et voilà, j'ai réussi à mettre dans la tête le petit bonhomme en mousse à mon copain qui est sous la douche. Allez, il est à fond là. Salut les wawins. C'est drôle ça. C'est cool. Elle a mis le petit bonhomme en mousse dans la tête de son copain. Il le chante sous la douche. Voilà. C'est bien. On est bien. N'hésitez pas à vous enregistrer comme ça quand l'autre est sous la douche et qu'il chante. Vita et Slimane arrivent tout de suite. Quand t'es pas là, toi. Ça arrive, et puis on va jouer ensemble. Ouais. Dans un petit quart d'heure, au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. On vous offre la console de jeu de votre choix. A tout de suite. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Dans la famille des ouin-ouin-ouin-ouin, il y a Manu. Énergie. Deuxième champion du monde, c'est le Real Madrid. Le club de foot va équiper, écoutez-moi bien, les urinoirs de son stade. Ils vont mettre des écrans sur les pissotières. Comme ça, les supporters ne ratent pas une miette des rencontres pendant qu'ils font pipi. Non, ils vont rester aux toilettes. C'est génial. C'est vachement bien. Et quand le supporter reviendra dans les tribunes et qu'il sentira le pipi, tu te diras que l'équipe a marqué un but. Ouais. C'est Coé, c'est à 17h. C'est sur Énergie. C'est le Black Friday chez Conforama. Et dès maintenant, venez profiter de 50 euros en bon d'achat des 250 euros d'achat sur tout le magasin. 50 euros sur tout le magasin. C'est l'offre à ne pas rater pendant les 7 jours du Black Friday. Conforama, du 20 au 26 novembre, liste et conditions sur Conforama.fr. Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Eh ben, dites toujours. Bon, ok, je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah, pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œuf. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. TF1. Demain, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. La série événement de Jean-Jacques Hano, d'après le best-seller de Joël Dicker. L'auteur Harry Kéber a été arrêté aujourd'hui après que la police ait découvert des restes humains sur sa propriété. Il pourrait s'agir de Lola Kellergan. Je ne l'ai pas tué. Patrick Dempsey dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Demain, 21h sur TF1. L'instant Darty. Tu vois ce grand trou dans le mur de ta cuisine ? Oui. Eh ben, j'ai peut-être une idée. C'est le Black Friday chez Darty. Jusqu'au 26 novembre, le four encastrable Fort Classe A+ est à 349 euros au lieu de 599, soit 250 euros d'économie. Référence FOP 67902XU. Black Friday, vendredi fou. Intersport. Thomas a toujours eu du mal avec le mois de novembre. Ouais, quand il fait moins de 20 degrés, moi je sors plus. Mais depuis qu'il a profité des remises exceptionnelles du Black Friday... Il fait 5 degrés, c'est cool, je m'habille et je vais courir. Chez Intersport, du 19 au 25 novembre, c'est le Black Friday. Grâce à votre carte Intersport, profitez de moins 30% sur les vêtements et les chaussures. C'est 30% de réduction et 100% d'activités sportives en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Sephora. Pour Black Friday, c'est le moment de craquer chez Sephora. Que vous soyez séductrice, joueuse, audacieuse ou secrète, tous les produits Too Faced sont à moins 20% jusqu'à ce soir seulement. Craquez pour les palettes, mascaras, blush et gloss qui subliment du regard jusqu'au bout des lèvres. Et ce n'est pas fini. Jusqu'au 26 novembre, nos parfums et coffrets parfums sont à moins 30%. Alors à tout de suite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur Sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. À tous les curieux, c'est le Black Friday Fnac. Le pack casque PlayStation VR avec la caméra et le jeu Worlds est à 199,99€ au lieu de 299,99€ en magasin et sur Fnac.com. Soit 100€ d'économie. Alors, à vos manettes, Fnac, c'est bon d'être curieux. Offre valable jusqu'au 2 décembre, voire conditions en magasin et sur Fnac.com. Fnac. Mardi, William a été témoin d'un truc fou. Il a vu passer une licorne, mais une vraie, hein. Mais le plus fou, c'est qu'il sortait de chez Domino's avec une pizza large à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. La Black Friday Week, c'est maintenant sur Amazon. Avec des ventes flash pour toutes vos envies. Pour préparer les fêtes, acheter des cadeaux pour vos proches ou tout simplement pour vous faire plaisir, laissez-vous tenter. Profitez de prix bas et de la livraison gratuite sur des millions d'articles. La Black Friday Week sur Amazon, c'est jusqu'au 26 novembre. Livraison gratuite en France à partir de 25 euros d'achat d'articles éligibles, expédiés par Amazon. Voir les conditions sur amazon.fr. Vous êtes abonné à un club de gym, on ne vous y a pas vu depuis 3 mois. Vous êtes abonné à des magazines, vous les feuilletez à peine. Vous êtes abonné à 153 chaînes, vous en regardez 2. Et si, pour une fois, vous vous abonnez à quelque chose de vraiment utile? Nespresso lance l'abonnement. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Nespresso, what else? What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Cuisine Xina. Pour le Black Friday dans votre magasin, tentez de gagner 2000 euros en bons d'achat sur votre cuisine. Ixina, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie cuisine. Tirage au sort réalisé sur les commandes du 23 au 30 novembre, voire conditions au magasin. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h32. On va écouter Vita et Slimane et on joue au meilleur jeu radio du monde, le jeu des 5 mots dans 5 minutes. Il suffit de vous inscrire. Vous nous appelez maintenant 0870 42 48. On vous offre la console de jeu de votre choix. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le Rhône n'est plus en alerte orange ce matin. Ça n'empêche pas la neige de tomber dans la région lyonnaise, le centre-est, mais aussi l'Île-de-France. Des averses de pluie et de neige mêlées le plus souvent. Quelques flocons ont du mal à tenir. Beaucoup de nuages, en tout cas au menu pour tout le monde ce mardi. La Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, sauf le Finistère, devrait quand même avoir droit à quelques éclaircies. Cet après-midi, il fera 3 degrés à Auxerre, comptez 5 à Sarlat, jusqu'à 13 pour les maxi à Fréjus dans le sud-est. Des chiffres effrayants. Près de 9 femmes sur 10 en France ont déjà été victimes au moins une fois d'une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue. Bilan d'un sondage dévoilé ce matin, une étude internationale en fait. Plus de 250 personnalités appellent à se rassembler samedi à Paris pour une grande marche contre les violences sexistes et sexuelles. Un petit calcul aujourd'hui, vous le retrouvez dans Aujourd'hui en France d'ailleurs. Si vous croisez le nombre d'emplois disponibles avec les prix de l'immobilier, vous obtenez une sorte de classement des villes les plus dynamiques pour vivre et travailler. Et à ce petit jeu, c'est Grenoble qui arrive en tête devant Lille et Lyon. Globalement, les chiffres se sont tous dégradés cette année avec des prix et des loyers en hausse un petit peu partout pour des offres d'embauche en baisse. Une 5e couronne d'affilée, Val Thorens vient d'être élue encore une fois meilleure station de ski au monde. Près de 2 millions de fans de glisse ont voté pour la représentante française. Ouverture du domaine prévue en principe samedi, en tout cas si l'enneigement le permet, en Savoie. On passe au bleu, pas de Final Four de la Ligue des Nations pour nos champions du monde. Les Pays-Bas ont réussi à se qualifier hier en terminant premier de la poule grâce à leur nul en Allemagne. Reste un match amical pour Didier Deschamps et ses joueurs ce soir. Réception de l'Uruguay à 21h à Saint-Denis. Un feu d'artifice entre à Energy Music Award et la sortie de son album. Soprano vit une fin d'année pleine d'émotions. Le rappeur est de retour avec Phoenix et les deux premiers singles, À la vie, à l'amour et Zoom, un véritable mélange des genres. Il y a un morceau reggae, il y a un morceau un peu latino, trap, il y a un morceau afro avec À la vie, à l'amour, mélangé un peu à plein d'autres choses dans cette chanson. Je me suis mis dans la peau de plusieurs personnages. Il y a un morceau qui est un peu reggaeton, valse, je me suis mis dans la peau de Casanova. Un autre morceau, lui, c'est un peu plus triste, je me suis mis dans la peau d'un enfant malade qui écrit une lettre à sa mère. Il s'appelle Miracle. Il y a plein de thèmes d'actualité. En ce moment, on parle beaucoup d'harcèlement à l'école et même sur Internet. Et c'est un morceau que j'avais écrit il y a 6 mois et que j'avais pas prévu que ça allait être en plein dedans. Mais il y a beaucoup de morceaux pour les concerts, pour que les gens puissent venir au concert. Mais je pense que ça va être un peu le feu. Voilà, le nouvel album de Soprano, Phoenix, est déjà disque d'or avec plus de 50 000 exemplaires écoulés en seulement 2 semaines. Soprano partira en tournée dès le mois de mars, donc avec 3 stades au programme, notamment le Vélodrome chez lui à Marseille. 7h34, c'est la fin de ce flash. On est le mardi 20 novembre. Très bon réveil, très bonne matinée sur Énergie avec Manu dans 6-9. Ça continue. Il est 7h35 minutes, on va écouter Vita et Slimane, il y aura aussi Kaiser Panda. Bam, big and boom. Oh là là. Quoi? Bah alors. C'est de pire en pire l'imitation. Tu rigoles ou quoi? C'est exactement ce qu'il fait le mec. Ah ouais. Bam, big and boom, bam, bam, bam, bam, big and boom. C'est kiff kiff quoi. Là c'est bien là. Mais le premier tu l'avais un petit peu. Oh raté. Bah t'as qu'à le faire toi, vas-y. Alors je vais pas oser là. Bah bidabidabou. Ah oui d'accord. Oh non. Je vais pas alors le faire. Alors franchement tu vois. On dirait les mecs qui critiquent l'équipe de France de foot quand elle perd. Ouais. Bah, viens sur le terrain. Voilà, bah t'es venu sur le terrain. Bah, maintenant, ouais, franchement, ouais. Bah, tu perds ta crédibilité. Ouais, ouais. Alors. Bam, diga, diga, bam, bam, ah oui, oui, oui. Excusez-moi. Ah, oui. Bravo. Bon, il y a du merci. Ouais. 7h36. On va jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. On vous offre la console de jeu de votre choix. Il suffit de nous appeler 0870 42 48. Aujourd'hui, on est le 20 novembre, on a des journées nationales, on a des anniversaires. Ah. Alors, c'est la journée mondiale des droits de l'enfant aujourd'hui. D'accord. Okay. C'est important. Ouais, ah, oui, c'est les important, enfants ouais. ont des droits. Par ouais. exemple, le droit de nous offrir autre chose pour notre anniversaire qu'un dessin. Ah, non, oui. C'est trop mignon les dessins. C'est en fait. Non. Bah oui. Nico, je te préviens, toi qui commence à réfléchir à avoir un enfant. Ouais, j'y pense. Il faut savoir que tu dois réserver une pièce dans ton appartement ou ta maison uniquement pour tous les dessins de ton enfant. Tu dois tout garder. Tout garder, même quand ce sera un petit rond. N'importe ouais. quoi, tu le gardes. D'accord. Ma mère, moi, m'avait dit qu'elle gardait tous mes dessins dans une pochette. Hein et un jour, j'ai ouvert cette pochette, elle était vide. Oh, ouais. Ah bah non. Oh, t'es arrivé trop tard. Ouais. Oh, ça, c'est moche. Ouais, c'est pas très joli. Ouais. Elle t'a menti. Ouais, ouais, elle l'est jetée. Oh, fait. Dur. Ouais. Et ma mère, moi, elle est prof de dessin. Du coup, elle stocke tout à son travail. Elle a stocké tous ouais. les dessins de ma sœur et moi à son taf. C'est ça. Ouais. Enfin, à la maison. Et tu les as regardés le plus oui, on peut aller les regarder si on non, veut. Non, non, on va pas y aller, mais toi. Moi, je l'ai déjà revu, oui, oui. Et alors, c'est. C'est moche, c'est très moche. Oh. Non mais, ah ouais. non mais il faut objectivement il n'y a aucun dessin d'enfant joli non, c'est pas ouais. c'est pas c'est le tien donc t'adores moi j'adorais mmh. les enfants de ma fille mmh. hein. les dessins ouais, non ouais. mais j'étais là oh ouais. c'est génial oh j'adore ses yeux j'adore comment elle parce fait que des c'est ta ouais. fille. Alors que en fait tu la mets à un médecin et il te dit il faut consulter ouais, c'est vrai. Mais toi tu trouves ça tellement beau. Moi j'adore derrière je mets carrément la date le mois l'année etc tu vois ouais. mmh. et je me dis ouais. que quand il sera plus grand on les regardera ensemble et non non il s'en foutra quand il sera plus grand. Il voudra pas et te dire ah non mais là je sors avec des potes là. Ouais. Je veux pas garder tes dessins. Non j'ai une soirée maman. Et dans 3 minutes on joue au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. On vous offre la console de jeu de votre choix 0 870 42 48. Juste après Vita et Slimane sur Energy. Bon réveil, bienvenue. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal. Quand t'es pas là. Quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux. Je te le donne. Bienvenue sur Énergie, il est 7h40, c'est le moment de vous offrir la console de jeux vidéo de vos rêves. Avant d'écouter Kaiser Panda, on va jouer ensemble au jeu des 5 mots et on a Amélie avec nous. Bonjour Amélie. Salut Manu, salut les wouah. Salut. Hello. Bienvenue sur Énergie Amélie, je te propose de gagner la console de jeu de ton choix. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Eh ben, moi j'aimerais bien la Xbox One S, Manu. Et ben la Xbox One X, c'est pas souvent. Ah ouais, ben, c'est vrai. Ben, je sais, tu vois. Mais dans les consoles de jeux, il y a plusieurs écoles. Ouais, c'est qu'il préfère la Nintendo, il y a la PlayStation et il y a la Xbox One S aussi. Elle arrive pour toi. Elle arrive pour toi, Amélie, cette console de jeu, si tu gagnes au jeu les 5 mots. Et pour te faire gagner, pour tout faire, pour te faire gagner, c'est Nico qui va sortir le studio. Mais ouais. Ça va le faire. Allez, Nico. Allez. On peut le faire. Attention. Il est dehors, il est dans le couloir, il n'entend plus ce qui se passe. Les règles, je les rappelle. Amélie, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, Nico revient. Je fais pareil avec lui. Et dès que vous avez un mot en commun, eh ben c'est gagné. Ok, ça marche. Allez, on va tout donner. Amélie, je compte sur toi. C'est parti. Allez. Ton destin est entre tes mains. Waouh, wow, c'est beau. Oh là là, tu me mets la pression, Manu. On y va, c'est parti. Création. Dessin. Pourcentage. TVA. Pardon, t'as dit quoi? TVA. C'est pas vraiment un mot, c'est taxe sur la valeur ajoutée, c'est une abréviation. Tout à fait. Un acronyme. Mathématiques, ok. Règle. Règle. Crayon. Prêt. Crédit. Trottoir. Piéton. Il y a du pas mal, Amélie. Ouais. Il y a du pas mal. Ouais, ça peut. Allez, attention, la première partie c'est fait. La deuxième, c'est Nico maintenant qui revient dans le studio. Allez, ça va le faire. Ça va attention, faire. Un mot en commun et c'est gagné. Amélie, un mot pour encourager Nico. Allez, Nico, je crois en toi. Ouais. Je crois en toi, là. Merci. Allez. Pour la Xbox One S. Yes. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Création. Ah. Amélie avait dit dessin. Mmh. Ah ouais. Ouais. C'est compliqué là. Pourcentage. Chiffre. Oh. Amélie avait dit mathématiques. Ouais. Il reste 3 mots, pas de panique. Allez. Attention. Règle. Discipline. Amélie avait dit crayon. Ouais. Ok, il y a 2 écoles. Ok. Allez, Nico, il y en a 2, on peut le faire. Allez, Nico. 2 mots. Ouais. Prêt. Chant. Oh. Ah, waouh. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est fait quoi? Amélie a dit crédit. Eh oui. Oh, il y a encore 2 écoles, bah oui. Amélie. Oh. Eh oui, Marie. Tu étais à la campagne et elle était dans la banque. Ah oui. Il reste un mot. Allez, on y croit. Un mot pour gagner la Xbox One S. Allez. Attention. Oui. Concentre-toi. Oui. Allez, Nico. Trottoir. Putain, c'est quoi trottoir de marché? Non. C'est pas grave. Non. Mais je perds jamais. C'était... Mais je ne mets pas dans cet état-là, Nico. Mais si, ça m'emmerde, Amélie. Je suis désolé. C'était pas loin, Amélie avait dit piéton. Ah, c'est pas grave. Oh, il est mal. Non. Il s'en veut trop. Non. Oh, j'aime pas perdre. Amélie. C'est pas grave, t'inquiète pas. Si, c'est grave, rassure, Amélie. C'est elle qui le rassure. Mais si, je suis nul. Non, t'es pas nul. Oh là là. T'es différent des autres. Et c'est pour ça qu'on est tous là ensemble chaque matin. Oh, je suis désolé. Amélie, tu nous rappelles quand tu veux, on t'embrasse fort. Y a pas de soucis, merci encore. Bisous à tous. Bisous Manu, bisous les wawa. Gros bisous, Amélie. 7h45, on va s'écouter Kaiser Panda. Et on est là, on est bien. Enfin, on est bien. Non, non. Sauf Nico, évidemment. Ouais. Donnez-moi de l'eau. Le jeu des 5 mots revient demain à la même heure pour vous faire gagner votre console de jeux vidéo de votre choix. Bon réveil! Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la carne. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me floco como Yandel. Dame tu cosita. Dame, dame, dame, dame. hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Mami, yo sé que quiere vacilar con tus amigas en el barrio. Guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami lo quiere. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente te rumba ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pula, vamos a romper la frontera con un olé. Yeah. Ah, vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Ah, vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Con la mano para arriba. Yeah. Siente el ritmo, mamita. Yeah. Preguntaré a la gente, que el ambiente está caliente. Yeah. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela. Hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Que lo que. Un, dos, tres, go. Que lo que. La Hindi Mashup. Bienvenue sur Énergie, 7h48. À 8h05, on va doubler votre salaire pour la première fois, pour la deuxième fois, pardon, de la matinée. Oui. Le temps passe vite, le temps passe vite. avant ça, je voulais qu'on écoute un message qu'on a reçu sur l'application Manu dans le 6-9. Mmh. Et j'aimerais, avant qu'on écoute le message, que vous preniez tous votre téléphone. Ouais. Je vais le faire moi aussi. Mmh. Et on y va. Tenez bien votre téléphone dans la main, vous êtes prêts? Ouais, vas-y. On écoute le message. Salut Manu, salut toute l'équipe, petit défi du jour, est-ce que chacun vous êtes capable de nous lire le dernier texto que vous avez reçu hier soir sur votre téléphone? Bisous. Allez, vous prenez tous votre téléphone, vous regardez le dernier SMS qu'on vous a envoyé, soit hier soir, soit ce matin si vous l'avez reçu, le dernier, et on le lit, ok? Ouais. On y va, je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Allez. Semaine prochaine alors, trois petits points de suspension, vous avez prévu quoi pour dimanche? Oula, c'est quoi? C'est bizarre. C'est qui décrit ça? C'est qui? Ta mère, ta femme? Bah non. Ton ex-femme? Non. C'est un déche, c'est une proposition de déche. Conquête. Non, en fait, c'est un pote pour un tennis. Ah merde, le pauvre. Et pourquoi dimanche? Il me demande ce que j'ai prévu pour dimanche. Ah. Qu'on a prévu pour dimanche. Ah, encore pour le tennis. Oui, pour un cours. Enfin bon, ça n'a aucun intérêt. Tu joues beaucoup, beaucoup au tennis. Ouais, en il est très tennis. C'est bien. Ouais. Ça m'inquiète quand même. Qu'est-ce qu'il y a C'est bien. Bah, je sais pas. T'en as pas marre. C'est génial. Isabelle, parfois, en fait, tu veux que je te dise ce qui s'est passé là? Oui. T'as fait une phrase en te disant, tiens, faut que je dise un truc. Mais pas du tout. Et en fait, il n'y en a aucun intérêt. Mais non, Manu, tu nous fais croire que t'as un truc genre un peu sexy en texto et ça se finit par des balles et un tennis. Donc je trouve ça un peu triste pour toi, c'est tout. J'aimerais que tu retrouves l'amour. Ouais. Oh. Et voilà, c'était juste amical, hein. C'est pas le meilleur soutien quand même, Isabelle, pour toi. C'est quoi ton dernier SMS, Isa? Pas eu le temps d'étendre la lessive, mais je le ferai en rentrant de mon mec. Mais quand? Là, ce matin, là? Bah non, c'était hier soir. Voilà. Il l'a pas fait? Bah il l'a pas fait, non. Donc je l'ai fait ce matin. Oh, bah, c'est pas cool. Bah non, c'est pas cool. Et après, elle me dit, ouais, c'est galère, toi, l'amour. Ouais, c'est vrai que, bon. Franchement, je commence à envier ta vie, là. Oh la vache, sexy, sexy. Oh, ça va. Hein. Votre dernier SMS, Nico? Bah c'est bonne nuit, mon amour. Et là, tu dis, c'est ton père. Alors non, mais pas loin, c'est ma mère. Oh ouais, c'est ma maman. Hier soir, je crois que c'était ta femme, moi. Ah bah non, parce que j'étais avec elle, du coup, hier soir. Triste. Et c'est ouais, sinon c'est qu'elle est pas chez moi. Il faut que je me pose plus de questions que ça, finalement. Ah oui. Mais c'est vrai, bonne nuit. Ouais. Non, c'est ma mère. Elle me souhaite régulièrement bonne nuit, comme quand j'étais petit, quoi. Oh, là là. Oh, c'est mignon. Donc, quoi, Paulette, oh là. Bah, il faut couper le cordon, Nico. Mais pourquoi? Mais si j'ai envie d'avoir le cordon avec ma mère, elle est jalouse. Garde ton cordon. Bah, je suis pas jalouse. Moi, j'ai des très bons rapports avec mes parents, mais ils laissent. Et dit, vous êtes cru chez le psy? C'est parce qu'elle a. Ma mère me dit, bonne nuit mon amour, c'est ouais, cool. C'est voilà, moi, je remarque reçu. Un truc, depuis qu'on lit les SMS, entre Isa et Paulette, elles sont toutes extrêmement tendues sur nos relations. C'est ouf. Non, mais c'est vrai. Oh, mais c'est, laissez-nous vivre. Quoi, ouais, c'est le bonheur. Paulette, envoie ton SMS. Moi, c'est je prends du pain ou on pense à nos fesses. Je prends du pain ou on pense à nos fesses. C'est, ouais, ça. C'est une phrase interrogative, quoi. Oui, on se doutait bien. Merci de nous donner les cours de français. C'est Mathilde, une copine à moi, qui venait manger chez moi hier, en fait. Et qui me demandait si elle prenait du pain ou si on pensait à nos fesses, c'est-à-dire pour pas grossir, elle en prend pas. Ah, je croyais qu'on pense à nos fesses, genre on sort ce soir, on fait la fête, quoi. Ah non, on pense à nos fesses pour maigrir ou grossir. Ouais. Ah, je crois que c'était à nos fesses pour le plaisir. Elle n'a pas pris de pain. Oh, c'est un beau SMS. Bon. Vraiment, et vous deux qui vous foutez de nos gueules de nos relations, vraiment. Non, mais vous avez vraiment des vies géniales. Hein. Ouais. Alors, l'autre, c'est mon mec ne fait jamais la vaisselle, et toi, c'est une copine, elle me demande si on prend du pain. Et elle en a pas pris. C'est génial. Waouh. Les derniers SMS reçus, Glandu. Et moi, c'est mon papa. Il m'envoie, peux-tu envoyer un CD de ta radio à la fille de la voisine, la petite Héloïse? Et il m'envoie de la radio, une compile. Ouais, je pense que c'est ça, une compile. Et il m'envoie l'adresse d'Héloïse. Ah, carrément. Ouais, c'est ça. Il fait ses courses. Oui, c'est ça. Il veut juste que je lui envoie une compile. Et bien. Et vous savez quoi, tous ces SMS qu'on a reçus, franchement, c'est de la merde. Et ça me rassure, on a tous une vie bidon. 7h52, on va s'écouter Labrine, Tia et Diplo tout de suite. Et on double votre salaire à 8h05. Bon réveil. Maître Gims, ça arrive juste après les infos de 8h et 8h05. On double votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. Restez là, tout de suite. Manu dans le 6-9. C'est Manu sur Énergie. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. I made no promise.

Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h01. Qu'on amène le code. Dans 10 minutes, rendez-vous avec les concours du jour pour se dire qu'il y a pire que nous dans le monde. À chaque instant, il y a des gens improbables qui font des choses improbables. Merci à eux de nous faire croire qu'on est normaux. On va écouter Maître Gims et les infos, c'est tout de suite et on double votre salaire juste après. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le Rhône en alerte orange neige et verglas ce matin. Premier gros épisode hivernal pour la région lyonnaise, mais aussi le centre avec des flocons tombés cette nuit. Le Rhône où l'alerte vient d'être levée. Ça ne tient pas en tout cas cette neige, mais certains départements se réveillent quand même avec un petit voile blanc. La journée sera nuageuse pour tout le monde. Quelques éclaircies, principalement vers la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne. Cet après-midi, il fera 3 degrés à Angers, à Bourg-en-Bresse, comptez 9 à Albi, jusqu'à 13 pour Toulon. Les gilets jaunes avec une nouvelle journée de mobilisation, hier plus faible que les précédentes. Le ministre de l'Intérieur a rappeler que tous les blocages stratégiques comme ceux des dépôts de carburant seraient levés par la police. Une première condamnation a été prononcée. Un manifestant est écopé de 4 mois de prison ferme pour avoir traversé et tenté de bloquer une autoroute près de Strasbourg. Autre mobilisation aujourd'hui, celle des infirmiers, des infirmières qui ont prévu de manifester ce mardi dans une vingtaine de préfectures, devant une vingtaine de préfectures. Les blouses blanches estiment en fait être les grands oubliés, les grandes oubliées des réformes du plan santé du gouvernement. Dans le milieu, on réclame notamment beaucoup plus de moyens. La chute d'un patron emblématique, Carlos Ghosn, le boss de Renault-Nissan, le premier constructeur automobile mondial, a été arrêté hier au Japon. Il est notamment accusé d'avoir caché une partie de ses revenus aux impôts. On parle de plusieurs millions d'euros. Les conseils d'administration des deux entreprises pourraient vite le renvoyer. Les impôts toujours, mais à notre niveau cette fois. Dernier jour pour payer votre taxe d'habitation. Si vous n'êtes pas mensualisé, vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour régler sur Internet, car par courrier, c'est déjà trop tard. Le sport, le foot, grosse déception pour les Bleus, éliminés de la Ligue des Nations sans jouer. Et les Pays-Bas se sont qualifiés pour le Final Four en juin grâce à leur nul en Allemagne, décroché à la dernière minute hier. Il faudra donc essayer de terminer 2018 sur une bonne note ce soir pour les champions du monde. Les Bleus reçoivent l'Uruguay en amical à Saint-Denis. Ce sera à suivre à partir de 21h. Elles sont un petit peu partout ce matin sur les réseaux sociaux. Les visages des 30 finalistes de Miss France ont été dévoilés en fait hier. Concernant le jury de l'édition 2019, il y a une rumeur qui court en ce moment. Selon Aujourd'hui en France ce matin, Jennifer pourrait passer du fauteuil de coach de The Voice à celui de juré pour le concours de beauté. La prochaine Miss France sera élue le 15 décembre du côté du Zénith de Lille. Et puis on termine avec des bêtes de scène. Les préventes pour le CD DVD live de la tournée de Coldplay sont ouvertes. Le concert a été enregistré au Brésil lors d'un show à Sao Paulo. C'était sur le Head Full of Dreams Tour. La sortie de ce live est prévue pour le 7 décembre prochain. 8h04, c'est la fin de ce flash. Pour l'instant, on est le mardi 20 novembre et vous retrouvez comme chaque matin Manu dans le 6-9 sur Énergie. Nous, on se donne rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Bonne journée, bon réveil. Des gens improbables qui font des choses improbables, c'est les concours du jour et ça arrive pour vous dans moins de 10 minutes, ce sera juste après Maître Gims. Alors je ne sais pas si c'est l'effet gilet jaune, mais aujourd'hui, ouais. 3 concours du jour en rapport avec la route. Ah oui. Okay. Voilà. Ça va se passer dans 5 minutes, mais avant ça, vite, vite, vite, il est temps de doubler votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. À 7h05 et 8h05, tous les matins, il suffit de vous inscrire. Énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com. Et c'est ce qu'a fait Victoria. Elle habite Grenoble, elle a 21 ans et elle touche 820 euros chaque mois. C'est pas beaucoup. Attention. Victoria, on t'appelle pour te doubler ton salaire. Mais il faut que tu décroches. Ouais. Allô ? Allô, Victoria ? Oui ? Victoria de Grenoble ? Oui ? Mon frère habitait pas loin de Grenoble il y a quelques années. Non. Mmh. Oui. Énorme. C'est amusant, hein. Mais oui, c'est une histoire. Mais je sens que Victoria s'en fout royalement. Victoria, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? T'es Manu sur Énergie ! Ouais ! Ouais ! Et c'est gagné, Victoria. Je vais doubler ton salaire, 820 euros x 2, ça va faire 1640 euros pour toi. Oh, c'est trop bien! Eh oui, mais alors 820 euros, c'est pas beaucoup? C'est quoi, c'est un mi-temps? Oui, je travaille en mi-temps. Ah! Alors attention, écoutez bien le métier de Victoria. Ouais. Elle travaille dans un laser game. Ah ouais! Oh, trop bien! Si vous voyez pas ce que c'est comme le paintball, sauf que ça fait pas mal parce que c'est juste du laser. Ouais, c'est trop bien! J'en ai fait une ou deux fois, c'est cool le laser game. Ah ouais, c'est trop bien! Parce que déjà, t'as pas peur d'avoir mal. Oui, c'est ça. Ouais. On est d'accord, Victoria, c'est pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir mal au paintball en fait. Ouais, c'est ça. Non mais clairement. Ouais, mais tu vois pas grand chose quand même. Moi je me suis déjà cogné contre quelqu'un, tu sais, tu vois rien et tu cours un peu partout. Alors c'est dans le noir. C'est dans le noir, mais évidemment c'est pour voir les rayons laser. Et Victoria, t'as déjà des gens qui se sont battus? Oh là. Ça va, Nico? Non, j'ai des couples. J'ai des couples qui s'engueulent de temps en temps, pas plus tard que la semaine dernière. Le laser game, c'est comme Ikea. Tu vas pour t'amuser, mais après tu t'engueules. Quoi. Ouais, parce que moi je prends quelqu'un comme bouclier souvent, parce que je suis pas très bon au laser game. Et je prends quelqu'un, je le mets devant moi et j'avance avec. Bah enfin. Et toi, tu dois être super bonne du coup, Victoria. Oui, ça va, je me débrouille bien. D'accord. Et c'est quoi le secret? T'as une astuce? Moi je suis pas très bon par exemple au laser game, t'as une petite astuce à me donner pour les gens pas très bons comme moi? Faut avoir une bonne position, faut pas courir de face et faut tout le temps courir, tout le temps être en mouvement. Ah ouais, c'est pas pour nous ça. C'est quoi? On va rester à faire des sudoku, nous, on est bien. Je veux dire, on pourrait se faire un laser game. Ah ouais, vas-y. J'ai une idée. Ah. De quoi? J'ai peur. Regarde, on fait un laser game, mais on joue ensemble contre une autre équipe. Ah vas-y. Bah oui. Genre, Koi. Ah ouais. On fait l'équipe de Koi contre la nôtre en laser game. C'est bon ça. C'est rigolo. Ah ouais, trop chaud. En plus, Koi entre nous, il est quand même facile à voir, quoi. Il est plus. Tu l'as dit, c'est toi. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est glandu. J'ai rien dit. Ils sont grands dans son équipe à Koi. Moi, ça me fait peur. Ah ouais, Jeff, il est. Jeff, il a repris deux fois du dessert. Ils sont costauds. Arrête de les énerver, ils vont les éclater après. Mais ils nous écoutent pas, on peut y aller là, ils dorment. Mais ouais, nous on est premier degré, donc on veut la gagne. Mais Victoria vient jouer avec nous, avec plaisir. Ah ouais, super. On va l'appeler. Bah attends, laissez-moi deux secondes. Ah, tu l'appelles maintenant? Bah oui. Bah il dort peut-être. Tu vas le réveiller. 8h08. Non, il est à la salle de sport, c'est sûr. Et je vanne ce matin. Ah ouais, ça fait trois fois là. Oh là là. Attends, 06, 07. Non, mais tais-toi. Manu. Oh non! Il a un numéro de téléphone hyper facile. Ah bah ouais? Je sais pas comment il a réussi à l'avoir. C'est incroyable. Hop là, c'est parti, on l'appelle. Ah non, mais tant qu'à faire. Oui! Bouge pas, Victoria. Pas de problème. Allô? Ah! T'es à la salle de sport? C'est une bonne vanne entre nous. Oui. Vous êtes le président de la Mégane des sportifs. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui. Comment allez-vous? Bah, écoute, très bien. D'ailleurs, on est ravis que tu sois. Alors, t'es en direct, hein, pour pas dire de bêtises sur notre vie privée. D'accord. Oui, ça va bien. Écoute, ça va très très bien. Voilà, je te dérange deux minutes. Je viens de doubler le salaire de Victoria qui travaille dans un laser game. Et on s'est dit, est-ce qu'on se ferait pas un laser game, notre équipe contre ton équipe? Voilà, l'idée elle est toute basique. Sachant qu'on a un avantage sur vous, vous êtes quand même un peu plus costaud, parce que c'est vrai que vous, même si tu fais du sport, vous prenez quand même plus de dessert que nous. Oh là là, arrête. Ouais. Ah si, il a pas tort, on a Jeff. Pour Jeff. Il est assez lucide, hein. Non, c'est vrai. Ouais. Mais Jeff, on a un problème avec Jeff. Il faut savoir que Énergie, c'est un immeuble. Quand Jeff est à droite de l'immeuble, ça fait tour de pise. Oh non, c'est pas ça. D'après vous, pourquoi mon ascenseur est en panne? Oui, il y a des logiques dans tout. Ah, mais ça vous dit qu'on fait un laser game, votre équipe contre notre équipe? Mais est-ce qu'on est... Attendez, je fais le calcul. Oui, ça tient. On est 5, toi et Jeff, ça fait 8. Donc tu vois, on peut... Non. C'était lourd. On est 5 contre 5. 3 garçons, 2 filles. C'est réglo. Ouais. Non, attendez, je viens aussi, hein. Ah, Victoria, le frère arbitre. Ah, je viens aussi. D'accord, je valide. Quand? On fait ça quand? Bah, on fait ça quand? On boucle tout maintenant? Il est quelle heure? 8h10? 8h20? Je sais pas. On le règle, on se démerde et on le filmera, comme ça, il y a témoin. Ouais, ok, on le filme, on mettra sur Facebook après. C'est cool.

Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, like you. Guys like me, so now when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Girls like you, girls gonna get me to what I want. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Je vais présenter l'élection Miss France le 15 décembre. J'espère que cette année, Manu sera enfin couronné. Ce serait juste. Ah, merci. Enfin, un homme qui a du goût. Hey. 8h18, on va écouter DJ Stack et Selena Gomez. Mais tout de suite, avec certes un peu de retard. Oh oui. Ouais. Mais excusez-moi, on a eu Corée au téléphone et on a dit qu'on allait faire un laser game très bientôt, son équipe contre la mienne. Ouais. Et ben voici les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables pour se dire que oui, il y a pire que nous dans le monde. Ouais. Et alors, je ne sais pas si c'est rapport aux gilets jaunes, mais on a trois concours du jour dans le monde entier en rapport avec la route. Bah oui. On démarre en Chine. Lors d'un contrôle routier, un homme saute de sa voiture en marche, puis passe par-dessus un pont pour fuir. Mmh. Sauf qu'en tombant, il se casse la jambe. Aïe. Du coup, la police l'arrête assez facilement. Ouais. Et elle se dit, oh, il a un truc à se reprocher. Il doit pas être net. Ils lui font souffler dans le ballon. Mmh. Ouais. Et là, 0 g d'alcool dans le sang. Ah bah bon, alors ouais. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. Le mec n'avait rien fait. Il n'y avait en fait aucun problème. Bah. Il a expliqué à la police qu'il avait bu 2 jours avant. Il était persuadé d'avoir encore des traces d'alcool dans le sang. Du coup, il l'a flippé et en fait, il a fui. Ouais. Il a été arrêté pour la fuite. Donc l'alcool, ça vous fait faire n'importe quoi, même 2 jours plus tard. Ouais, même des fois, même des mois après, même des fois. Ça fait peur. En Belgique, un homme a été arrêté par la gendarmerie. La raison, il roulait sur l'autoroute à toute vitesse sur sa jante avant gauche. C'est-à-dire que la roue avant gauche n'avait pas de pneus. Ouais. Alors évidemment, c'est pas discret. Hein. En plus, ça fait des étincelles partout quand ça roule. Ouais. Donc il a été arrêté. Et alors quand il a été arrêté, il a dit cette phrase magique. Je savais bien que je sentais un truc pas comme d'habitude en roulant. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Ça sent le mec qui attend le Black Friday là, pour s'acheter des nouveaux pneus. C'est ça. Dernier concours du jour spécial sur la route. À Besançon, un cycliste et un automobiliste se sont percutés, alors sans gravité. Mm-hmm. Mais petite particularité, ils étaient tous les deux bourrés. Oh là là. Oula. Eh oui, c'est grave, c'est interdit. Et c'est pas tout, sans le savoir, ils se rendaient tous les deux au tribunal pour conduite en état d'ivresse. Ah, mais non. Oh non. Ils ont été arrêtés. Et figurez-vous, étonnant, ils n'ont pas été acquittés. C'est dingue. Oh là là. Et voilà, dites-vous qu'il y a toujours pire que vous dans le monde, il y a les concours du jour. 8h21, DJ Stack et Selena Gomez sur Energy. Bon réveil, bienvenue parmi nous, on démarre la journée ensemble. C'est Malu dans le 6-9, c'est Energy que vous avez choisi. Báilame comme si fuera l'última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bébé. Taki taki, taki taki rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anunnaki. No le va a él. Va. Oh, oh, oh, oh. I am using high flows. Boy. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga. You need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Hey, he say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm sale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. We'll get high in the party, it's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Bienvenue sur Énergie, on va écouter The Prince Karma après les infos de 8h30. Aujourd'hui, c'est le 20 novembre, journée nationale. Ah ouais. Aujourd'hui, 20 novembre, journée nationale contre l'herpès. L'herpès. Alors, je connais peu de gens qui sont pour, hein, fondamentalement. Bah, oui, ouais. Mais voilà, aujourd'hui, vraiment, encore plus. D'accord, ouais. C'est cool. Ça. Voilà, on va pas en parler 10 minutes de l'herpès. On va sortir des photos. Alors, on passe à autre chose, c'est un anniversaire aujourd'hui aussi. L'anniversaire de Dragon Ball. Le bonhomme, quoi. Le personnage. Alors, le personnage, absolument. Non, il existe pour de vrai, ok. C'est une série, c'est pas un personnage en soi. Dragon Ball, c'est Sangoku, les personnages, oui, Vegeta. Si je peux me permettre. Mais alors, Dragon Ball, ça fait 34 ans que ça existe. Oh, sérieux? C'est dingue. Ah ouais, ça continue, dessin animé, il y a des jeux vidéo qui cartonnent à chaque fois. Ouais. Et il y a vraiment, moi je connais quelqu'un qui est fan de Dragon Ball, c'est un niveau de taré. Ah ouais. Ah oui, non, il connaît, voilà, tous les personnages, tout ce qu'ils font, les figures et tout ça, c'est un truc de fou. Tant que tu t'habilles pas pareil et que tu fais pas la même coiffure. Ouais, c'est sûr. Ça. Alors, la coiffure de Dragon Ball, c'est très bizarre. C'est t'as l'impression compliqué. Qu'ils se sont chopés des hérissons et les ont mis sur la tête. C'est un peu ça. Ouais. Et ça fait leur coiffure. Bon, sauf le respect que je dois à Dragon Ball, évidemment. Oui, 8h24. Oh les amis, dans 6 minutes, c'est le retour du son à 10 000 euros. Le son à 10 000 euros. Ça fait plus d'une semaine et il n'a toujours pas été trouvé. Juste avant les infos de 8h30, dans 5 minutes, je vais vous faire écouter à nouveau ce son. Si vous le découvrez et que vous nous appelez au 0870 42 48, vous gagnez 10 000 euros. Wow. Wow. Je vais vous faire réécouter dans 5 minutes. Il est difficile. Ouais. Il est difficile. Et aujourd'hui, comme il n'a toujours pas été trouvé, on va faire quelque chose. Chaque jour, c'est 3 chances de gagner 10 000 euros. Mmh. Ouais. Aujourd'hui, vous allez pouvoir donner une proposition. Ensuite, vous allez pouvoir passer le téléphone à quelqu'un autour de vous qui pourra lui aussi faire une proposition. Ah, sympa. Ah ouais. Ça fait deux fois plus de propositions. C'est ouais. Énorme. Ouais. 0 870 42 48. Et s'il gagne, il partage du coup. Il ça marche. Ah, s'il gagne, il se démerde. Okay. Moi, je veux pas le savoir. Hein. Okay, ça, c'est comme quand tu joues au loto à plusieurs. Hein. Ouais, c'est moi qui avais le ticket, c'est à mon nom. Oui, mais toi, tu voulais pas jouer. Oh, mais je t'ai prêté l'argent. Ouais. Oh là là. Oh là, vous vous démerdez. Hein. On a 10 000 euros pour vous. Ça arrive dans 4 minutes. Restez là. Manu dans le 6-9. Énergie, coco, go. Dès que vous entendez le double hit Énergie, avec deux titres de David Guetta à la suite. Appelez Énergie 3937 et gagnez votre voyage, votre fête et votre rencontre avec David Guetta à New York. Énergie, hit music only. Intermarché vous propose d'écouter 23,45€. Jusqu'au 2 décembre, le paquet Megapack de 86 couches Pampers Baby Dry taille 4 est à seulement 23,45€ avec en plus 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Existe en différentes tailles, modalités, magasins participants sur intermarché.com. Tu penses quoi de ma cuisine? J'aime beaucoup. Tous ces rangements, c'est super pratique et tellement bien organisé. Et puis la couleur, oh, j'adore. Oh, bah c'est sympa, merci. Mais je te parlais de mon gratin de chou-fleur aux tripes. Ah oui, ça. Oh, surprenant.

Comme c'est difficile, comme vous avez du mal à trouver, on va rajouter des petites choses. Ouais. Aujourd'hui, pas d'indice supplémentaire, j'en ai donné hier. Mmh. Mais aujourd'hui, vous nous donnez une proposition, vous allez avoir la possibilité d'en donner une deuxième avec quelqu'un autour de vous. C'est cool ça. Vos parents, vos enfants, votre collègue, la personne à côté de vous, vous lui passez le téléphone et elle fait une proposition. C'est comme l'appel à un ami donc qui veut gagner des millions, sauf qu'il est à côté de toi. C'est exactement ça. Merci Paulette. Cette phrase, on la gravera sur ta tombe. On pense déjà à ma mort, c'est bizarre. Le son à 10 000 euros, c'est juste après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le Rhône n'est plus en alerte orange ce matin. Ça n'empêche pas la neige de tomber dans la région lyonnaise, le centre-est, mais aussi l'Île-de-France. Des averses de pluie et de neige mêlées le plus souvent. Quelques flocons, c'est vrai, qui ont quand même du mal à tenir. Beaucoup de nuages, en tout cas, au menu pour tout le monde ce mardi. La Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, sauf le Finistère, devrait avoir droit à quelques belles éclaircies. Cet après-midi, il fera 3 degrés à Auxerre, comptez 5 à Sarlat, jusqu'à 13 pour Maxi à Fréjus dans le sud-est. Un petit calcul ce matin, si vous croisez le nombre d'emplois disponibles avec les prix de l'immobilier, vous obtenez une sorte de classement des villes les plus dynamiques pour vivre et travailler. À ce petit jeu, c'est Grenoble qui arrive en tête devant Lille et Lyon. Globalement, les chiffres se sont tous dégradés cette année avec des prix des loyers en hausse un petit peu partout pour des offres d'embauche en baisse. Vous retrouvez ce baromètre dans Aujourd'hui en France ce matin. L'actu aussi avec ces gilets jaunes. Avis aux gilets jaunes, vous risquez très gros si vous prenez trop de risques. Une manifestation, un manifestant a été condamné à 4 mois de prison ferme hier pour avoir traversé et tenté de bloquer une autoroute près de Strasbourg. C'est de saison. Bravo à Val Thorens, élu pour la 5e fois d'affilée meilleure station de ski au monde. Près de 2 millions de fans de glisse ont voté pour la représentante française au World Ski Awards en Autriche. Ouverture du domaine skiable prévue samedi si l'enneigement le permet en Savoie, évidemment. Le sport, le foot, match amical des Bleus ce soir au Stade de France. Les champions du monde accueillent l'Uruguay à partir de 21h. Didier Deschamps et ses joueurs ont sans doute très mal dormi cette nuit. Le nul des Pays-Bas en Allemagne hier les prive du Final Four de la Ligue des Nations. Vous l'avez désigné artiste masculin francophone de l'année. C'était il y a seulement 2 semaines au Energy Music Awards. Soprano reste sur son petit nuage après la sortie de son nouvel album Phoenix, qui atteint déjà les 50 000 exemplaires vendus. C'est disque d'or donc. Quant à sa tournée au printemps, les ventes ont démarré très fort côté Zénith. Même constat pour les 3 stades programmés dans son tour de France, et notamment un qui aura lieu dans le Nord. C'est un truc de fou. J'étais à Lille il y a 3 jours, on était parti faire une interview. Déjà je vois le stade, il y a ma tête en gros. Faut bien prendre conscience que moi, Star System, c'est pas mon truc. Je suis un mec qui vient de Marseille, dans les quartiers nord. Un mec qui aime bien m'amuser, rigoler avec tout le monde, découvrir les univers des gens. Voir ta tête en plein dans un stade et après que quand tu rentres, on te dit, mais tu sais, c'est complet, peut-être qu'on en fait un deuxième. Je fais quoi ? Donc, bien sûr, pour moi, c'est un truc de fou. Je prends conscience, on va dire, entre guillemets, mais je réalise pas vraiment, je pense. Mais en tout cas, on va essayer de faire le meilleur show possible. Voilà, donc pour Soprano qui partira en tournée dès le mois de mars, il y aura donc 3 stades au programme : le Paris, la Défense Arena du côté de la capitale, le Vélodrome à Marseille chez Soprano ou encore le stade Pierre-Mauroy à Lille. C'est la fin de ce flash, il est 8h35, mardi 20 novembre. Bon réveil, bonne matinée avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonne journée. Écoutez The Prince Karma dans 2 minutes et juste après ce seront les sondages du matin. Comme chaque jour, écoutez bien, quand nous sommes invités chez quelqu'un, nous sommes 30% à le faire. Ah. Honnêtement, je suis surpris qu'il n'y a que 30% des gens qui le font. Ah, ouais. Moi, je le fais systématiquement. Ah, okay. C'est pas spécialement bien. Oui, voilà. Les sondages du matin arrivent dans 5 minutes. Avant ça, 8h36, 10 000 euros pour vous. Le son à 10 000 euros. C'est parti, je vous l'ai à nouveau fait écouter il y a 3 minutes juste avant les infos. Tous les jours à 8h30, je vous fais écouter un son. Il vaut 10 000 euros si vous le découvrez en nous appelant au 0 870 42 48. Je vous le fais à nouveau écouter. C'est rapide, c'est court, c'est précis. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce son ? Alors attention. Ça fait quand même une semaine. En une semaine, ça a pas mal avancé. Ouais. Je vous rappelle quelques indices. Ce n'est pas moi qui ferme les anneaux d'un classeur. Je ne débranche pas une prise. Je n'ouvre pas une canette. Je ne verrouille pas mon téléphone. Et je ne bricole pas avec un pistolet à clous sur une planche. Oh là là. Ça, honnêtement, c'était bien vu. Ouais. Attention, comme chaque jour, 3 chances, 3 possibilités de gagner. Et aujourd'hui, on double. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, il va pouvoir donner une proposition. On a Sandy au téléphone. Bonjour Sandy. Salut Manu, salut les Wouin-Wouin. Salut. J'ai 10 000 euros pour toi. Quel est le son? Alors je pense que c'est toi Manu qui éclate une bulle de chewing-gum. Écoutez. Non. Clairement non Sandy, je n'éclate pas de bulle de chewing-gum. T'as quelqu'un à côté de toi? Oui, je peux te passer mon mari, Michael. Ok, passe-moi ton mari. Il s'appelle Michael. Michael? Allô? Oui, bonjour. Bonjour à toi Michael. Si tu gagnes, on dira à ta femme que t'as perdu, t'inquiète pas. Non, arrête. Ça reste entre nous. Ah non. Michael, allez, oui. Une proposition en plus, une autre chance de gagner 10 000 euros. D'après toi, quel est le son? C'est Sandy, comment? Allô? Oui, Michael. Oui, alors je pense que c'est Manu qui remet le capuchon d'un stabilo. Je remets le capuchon d'un stabilo. Ah. Non, c'est pas ça. Aïe. Je vais vous le dire, c'est pas un stylo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui proposent stylo 4 couleurs. Ouais. Ça avait déjà été proposé. Non. Ce n'est pas ça, je suis désolé. Guillaume, bonjour. Oui, bonjour Manu. Bienvenue sur Énergie, Guillaume. J'ai 10 000 euros pour toi. Quel est ce son? Alors moi, je pense que tu éjectes une cassette d'un radiocassette. J'aurais été chercher un radiocassette. Wow, c'est marrant. Wow. J'appuie sur éject et ça sort. Écoutez bien. Voilà. Non. Aïe. Guillaume, il y a quelqu'un à côté de toi? Non, mais je peux changer de voix si tu veux. Alors, je vais te dire un truc. Si vraiment tu changes complètement de voix, t'as droit à une autre proposition. Mais d'abord, c'est quoi le prénom de la personne? Marina. Marina. Bonjour Marina. Bonjour. Marina, tu as droit à une autre proposition. Attention Marina, tu peux gagner. Quel est le son à 10 000 euros? Je pense que tu agrafes quelque chose. Tu penses que j'agrafe quelque chose? Marina, c'est pas ça. Et ça avait, déjà été proposé. Ouais, Marina, c'est con. C'était drôle. Ah, Guillaume est revenu. Tu nous rappelles quand tu veux. Laura, bonjour. Salut Manu, salut les Wouin-Wouin. Bienvenue sur Énergie Laura, je te fais écouter à nouveau le son à 10 000 euros. Qu'est-ce que c'est? Alors moi je pense que c'est toi Manu que tu fermes ton ordi portable. Je ne ferme pas mon ordi portable Laura. Attention, est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi? Oui, j'ai ma meilleure amie. Eh ben passe tout ta meilleure amie, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Maëva. Dernière possibilité de gagner 10 000 euros ce matin. On a fait deux fois plus que d'habitude. Ouais. Maëva? Bonjour. Bonjour à toi Maëva. Je te mets pas la pression, mais c'est la dernière possibilité de gagner 10 000 euros aujourd'hui. Allez Maëva. À quoi tu penses? Je pense que tu clipses la tablette sur le clavier. Je clipse la tablette sur le clavier. C'est-à-dire que c'est un ordinateur comme le Surface là, de Microsoft, c'est ça? Je clipse les deux? Oui. C'est pas ça. Purée. Mais. Quoi? Non, quoi? Le problème, c'est que je veux pas vous induire en erreur. Ah ouais. Mais on commence petit à petit à se rapprocher de ce qu'est le son. Ah bon? Vraiment, vraiment. Ouais. Alors, je veux pas induire en erreur tablette, ordinateur, tout ça. Mais on se rapproche petit à petit du son à 10 000 euros. Maëva, Laura, Guillaume, Sandy, Michael, vous pouvez nous rappeler. On a 10 000 euros demain, 8h30. Vous pourrez les gagner. Le son à 10 000 euros. Découvrez-le et gagnez 10 000 euros. Les sondages du matin arrivent dans 3 minutes. Juste après The Prince Karma, Later Bitches sur Energy. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. it, bitches. Bitches. 8h43, bienvenue sur Énergie. On va écouter MHD, il y aura aussi Jane pour vous. Et on va se faire du bien. Ah ouais. On le fait régulièrement dans l'émission. Il y a de temps en temps des gens, ils arrivent vers vous, des meilleurs amis, des amis, ils vous confient un secret. Et là, vous faites, waouh, je vais devoir porter ce secret. Et là, ça fait une boule dans le ventre. Bah oui, c'est lourd parfois. Exactement. Et ce qu'on vous propose, c'est de vous alléger. C'est bien. On va vous alléger et on va vous enlever cette grosse boule de bowling qu'il y a dans le ventre. Venez nous révéler un secret qu'on vous a confié en tout anonymat. Vous ne donnez pas le prénom, vous ne donnez pas le nom, vous donnez des... Voilà, vous changez tout, mais vous révélez le secret. Okay. Vous allez mieux vous sentir. Et nous, on est des gros voyeurs, on écoute les secrets des gens. Parce que ce qu'on aime avant tout, c'est les secrets des gens. Ouais. Et c'est les histoires. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Tout de suite. Et avant de s'écouter MHD, voici comme chaque jour les sondages du matin. Yes. Ouais. 74% des enfants ont déjà menti à ce sujet. De quoi il s'agit? Les devoirs. C'est pas les devoirs. La douche, ils ont pris leur douche? Non, mais c'est dans l'univers. C'est un truc qu'ils doivent faire à la maison, du coup. Oui, absolument, c'est un truc qu'ils doivent faire. Ah, se laver les dents? Est-ce qu'ils se sont lavé les dents? Brossage des dents. Ah, bien sûr. 74% des enfants ont déjà menti sur le brossage des dents, mais alors, évidemment, quoi. Ah, moi, j'ai un truc pour ça, parce que mes enfants, ils essayent toujours de m'arnaquer avec ça. Donc, je leur dis, viens voir, toi, viens là. Vas-y, souffle. Bah, et ils me soufflent dans le nez, et là, je vois tout de suite, ils se sont bien brossés les dents. Bah non, tu t'es fait avoir, parce que moi, j'ai connu la technique. Hein. Bah oui. Bah quoi? Bah évidemment, ce que tu fais, c'est que tu mets un peu de dentifrice sur les doigts. Bah oui. Et tu le badigeonnes comme ah ça. Bah si, on l'a tous fait. Isabelle, c'est un contrôle de gendarmerie chez elle, quoi. souffle. Moi, mon père, il avait un truc radical. Il m'avait dit, regarde ton grand-père, regarde son dentier, va te brosser les dents. Parce qu'il m'a dit, si tu te brosses pas les dents, tu finiras comme ça. Ah, effectivement, ça calme. Ça marche. Mais ce que je remarque, c'est que le coup des dents, quand tu le prenais comme ça sur le doigt et que t'en mettais pour faire genre que t'as une bonne haleine, en fait tu perds encore plus de temps que de brosser les dents. Ouais. Mais c'est comme quand tu veux pas prendre ta douche, tu restes dans la salle de bain en attendant, tu fais couler l'eau comme ça, et en fait c'est débile. Ah, c'est vrai. Eh bah oui, on est con dès l'enfance. Voilà. En moyenne, cette chose très douloureuse nous arrive deux fois par an. Qu'est-ce que c'est? C'est très, très, très douloureux. Un torticolis? Non. C'est hommes et femmes confondus ou pas? Hommes et femmes confondus, hommes, femmes, enfants, tout le monde. Ça nous arrive à la maison, principalement? Ça peut arriver n'importe où, mais... Le plus souvent, je pense, dans la plus grande majeure partie des cas, c'est à la maison. Se cogner le coude sur un coin, là. Non, mais c'est horrible. Cogner quelque chose. Les petits doigts de pied. Le petit orteil. Se cogner un orteil contre quelque chose. Oh, la table basse, quoi. Mais c'est... Comment on a pu... Mais qu'est-ce qu'on a fait quand Dieu a créé l'homme? C'est vrai. Pourquoi il a créé cette petite faiblesse? Ouais. C'est bizarre, quand même. Il faudrait que des meubles mous. Tu sais, où on rebondit. oui, c'est vrai. Et puis quand tu mets la table... Pff, tout s'écroule. Alors oui, bah, tout est tombé, mais bon, comme ça, on a pas mal aux orteils. Merci, une solution, Paulette. Quand nous sommes invités chez quelqu'un, nous sommes 30% à le faire. D'après vous, de quoi il s'agit? À rapporter une bouteille qu'on nous a déjà offerte. Oh, bah bravo. Non, c'est quelque chose que tu fais chez la personne. Ah, c'est positif ou négatif? C'est pas aidé à débarrasser la table, quoi. Non, ça n'a rien à voir avec quelque chose comme ça. Non, c'est plus négatif. Okay. Juger le mobilier. Non, c'est pas ça. Passer le doigt pour essayer de la poussière. Non. Oh oui, tu t'es cru dans, comment ça s'appelle à l'émission? Du ménage. Bienvenue chez vous, là. Ah ouais. Alors, non, c'est pas ça. C'est un truc que tu fais devant tout le monde, il y a tout le monde ou pas? Non. Non, tu le fais seul. C'est honteux. Mais c'est fouillé dans les placards. Carrément. Ah bah ouais. Ah mais oui. 30% des gens, lorsqu'ils sont invités chez quelqu'un, ouvrent un placard par curiosité. Mais je le fais systématiquement. Ah ouais. Mais c'est nul, tu trouves rien. T'as déjà trouvé quelque chose. Mais tu t'en fous de trouver quelque chose. C'est pour savoir se cacher les gens. Mais ouais, puis tu le sais quoi, le coup de fil quand tu vas dans la chambre, moi je regarde toujours sous le lit quoi. Si on n'a pas mis du bordel mais et tout, non. Tu vois. Ah c'est trop cool. Alors moi c'est plus aux toilettes et la salle de bain. À toilettes et salle de bain. Ah ouais, des fois je vais aux toilettes uniquement pour regarder. Ah oui, c'est bizarre. Mais vous préférez pas avoir des conversations avec les gens avec qui vous dînez plutôt non. que de faire ça. Non, franchement, si je pouvais aller chez les gens uniquement pour regarder le placard, je le ferais. Vous me faites peur. Et à la limite, je prends un doggy bag pour chez moi. Voilà. 8h48, les sondages du matin reviennent demain. MHD tout de suite et juste après, on vous prend au téléphone au 0870 42 48. Vous venez nous raconter les secrets qu'on vous a confiés. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine, je ferai pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma belle, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chier. Seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance, now I can't move on. Oh, my girl, so sexy. The way she dance, so sexy. So she give me love, sexy. You making me once more sexy. Yeah, with your sexy body, come and chop my money, yo. Ay, ay, ay, ay. Oh, yeah, take all my money, put them for your head. Ay, ay, ay, ay. Make we my they go, baby girl, so. Make you drop all my money. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. Mon cœur va chier là pour toi, ma bella. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Ay, ay, ay, ay. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur, elle l'a mis game over. C'est dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. Elle est entrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey. Aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chier là pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. Bienvenue sur Énergie, il est 8h50, attention, j'adore ce moment. Avant d'écouter le Jane, nous allons vous écouter, vous. Oui. Oh, c'est beau. Ah ouais. Et c'est gratuit. Ouais. Et oui. C'est vrai. Oui. Ouais. C'est bien de le préciser, ouais. Pourquoi on va vous écouter? Parce que ça nous arrive tous. À un moment, quelqu'un vient de nous avouer un secret qu'il a en lui, qui est dur à porter. Du coup, on se retrouve avec devoir le porter, nous. Bah oui. Mais c'est pas juste. On n'a rien demandé, nous. Donc du coup, il faut se libérer, il faut raconter ce secret. 0 870 42 48, je vous ai demandé de nous appeler pour nous révéler un secret qu'on vous a confié et qui pèse un petit peu lourd. Évidemment, c'est anonyme, vous ne donnez pas les vrais prénoms, vous changez tout, mais vous racontez le secret. Noémie, bonjour. Salut Manu, salut les moumouins. Salut. Bienvenue sur Énergie. Isabelle me fait rire, elle parle tout doucement. Tu sais, même quand on parle tout doucement. Oui, non, mais quand on parle tout doucement, comme on est à la radio, on nous entend de toute manière. C'est vrai, Manu, mais je sais pas pourquoi. C'est comme quand quelqu'un chuchote au téléphone, tu as envie de chuchoter aussi. Oui. Noémie, quel est le secret qu'on t'a confié? Moi, j'ai une copine qui m'a confié qu'elle s'était fait faire un tatouage ridicule et qu'elle assume pas du tout sur la fesse, suite à un pari, et c'est une part de pizza. Oh. Elle s'est fait faire une part de pizza en tatouage sur les fesses. Sur la fesse, ouais. Mais pourquoi elle a fait ça? Oh là. Eh ben c'est suite à un pari en fait. Elle était avec une bande d'amis le soir de la finale de la Coupe du Monde et ils étaient en train de manger de la pizza justement. Et elle leur a dit de toute façon l'équipe de France va perdre. Et ils lui ont tous dit, elle a dit, si il gagne, je me fais tatouer une part de pizza. Oh là là. Ah ouais. Et ben, elle l'a fait. Bah après, elle l'a fait dans un endroit que voilà, qu'on voit pas. C'est ça. Oui, mais enfin, il y a un moment, on le voit quand on se retrouve au lit avec elle, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Un premier rendez-vous, la première fois, c'est quand même bizarre. Pourquoi t'as une part de pizza dans les fesses, quoi. C'est... Ouais. Mais si elle tombe sur un mec qui l'aime, elle et la pizza, c'est top. Alors j'aime les pizzas, je suis pas fan du tatouage. Ouais, je préfère la manger la pizza. Si je lui mange les fesses, ça va pas apprécier. Non, hein. Ouais. Et puis si t'as qu'une part, tu te poses la question de est-ce qu'elle reste de la pizza quelque part. Tu fouilles. Mais il y a les olives. Oh, ça me fait arrêter. Non. Oh là là là là. Ah bah c'est pas moi qui fais le tatouage, hein. Merci de nous avoir appelé, Noémie. Ça t'a fait du bien de te libérer de ce secret. Ah bah ouais, ça fait du bien de le dire. Eh ben on t'en prie. Justine, bonjour. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Quel est le secret qu'on t'a confié dont tu vas te libérer, délivrer maintenant ? Eh ben moi, ma meilleure pote m'a confié qu'elle a gardé les codes Facebook de son ex et qu'elle continuait à aller regarder les messages pour voir à quelle fille il parlait et tout ça. Waouh ! Oh, ça c'est pas bien. Ah ouais, c'est vrai. Alors ça, vraiment, c'est pas bien. Mais il le sait pas qu'elle a ses codes ? Eh ben non, il sait pas. C'est bien là le truc. Oh la vache. Ouais. Le débutant, tu changes de code tout de suite normalement quoi. Bah normalement tu changes de code, même si tu sais qu'elle a pas les codes, tu les changes quand même. Bah oui, tu crées un autre profil. Ouais, non, faut changer ses codes toutes les 3 heures. Non, et on coupe toutes les demi-heures. Après, il paraît que maintenant ça drague plus sur Instagram en message privé. Donc ça va, je pense qu'il est peut-être utilisé. Ah ouais, non, je t'assure, elle a quand même vu des trucs. C'est l'horreur. Justine, ça t'a fait du bien d'avouer le secret ? Ah ouais, trop. Tu te sens libérée ? Ah ouais, délivrée. Oh non ! C'est bien ! Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté La Reine des Neiges. Ah ouais, ouais. Merci de nous avoir appelé, Justine. On a le temps de prendre Chloé encore. Bonjour Chloé. Coucou Mani, coucou les wawa. Chloé, on t'a confié un secret. Qu'est-ce que c'est donc que ce secret ? Une copine m'a avoué qu'elle faisait des shows érotiques à la webcam. Oh. Une copine t'a avoué qu'elle faisait des shows érotiques à la webcam, je le répète parce que je trouve ça trop cool. Il va le répéter. Mais elle a une vie, un autre métier. Oui, elle a un autre métier, mais elle fait ça pour un complément de revenu. Waouh. C'est ouf. T'as envie que tes collègues ils tombent sur toi, quoi. Ouais, mais tes collègues, qu'est-ce que tu lui dis? Le lendemain au boulot, bah tu la regardes différemment en tout cas. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. C'est cool. Quand elle dit je vais faire des courses, tu peux lui dire ouais. Ni moi, tu vas pas aller acheter des poireaux, j'ai l'impression. Oh, toi, hein. Non. Ouais. Arrête de rajouter comme ça. Mais c'est j'adore ce secret. Ah, c'est cool de savoir. Et elle gagne beaucoup d'argent avec ça. Bah en fait ça dépend si les clients ils payent, bah plus ça va, plus elle se dénude. Donc du coup en général ouais ça va, c'est pas mal quand même. Oh là là, c'est dingue, je sais même pas que ça existait ce site. Je te crois. Chloé, merci d'avoir partagé ce secret. Je bafouille. T'es troublée. Ce que je veux dire c'est que j'adore cette journée. Merci de nous avoir appelé Chloé. Gros bisous à toi, on revient tout de suite. On va écouter Kygo Imagine Dragons. Je vais mettre un petit peu d'eau sur la figure. Ouais, t'es tout rouge. Ah ouais, non, cette histoire de tatouage de pizza. On vient tout de suite. 6h, 9h30. C'est Manu dans le 6-9. Allez, Manu sur Énergie. Oh, ça méritait bien la Marseillaise, hein, c'est sûr. On revient tout de suite dans même pas un quart d'heure. C'est les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. Gagnez vos places pour la soirée foot regardée par la planète entière. Le Ballon d'Or, c'est le 3 décembre au Grand Palais à Paris. Le Ballon d'Or est attribué à... Et l'équipe du Rico Show vous y invite. Non. Seul Rico possède les tickets. Il vous les offre ce soir. Et vous serez, grâce à Énergie, invité au milieu des stars de la planète foot. Le Rico Show. Ce soir, 20h sur Énergie. Incroyable, c'est déjà Black Friday chez Nocibé avec des offres de dingue toute la semaine. Aujourd'hui seulement, deux ventes flash à moins 40%. Le parfum 100 ml Boss Bottled de Hugo Boss et la poudre bronzante Terracotta de Guerlain. Oui, moins 40%. Dépêchez-vous et à demain pour deux nouvelles offres exceptionnelles chez Nocibé. Nocibé, la beauté libérée. Dans la limite des stocks disponibles. Détails en magasin et sur nocibé.fr. Tu penses quoi de ma cuisine ? J'aime beaucoup. Tous ces rangements, c'est super pratique et tellement bien organisé. Et puis la couleur, j'adore. Oh, bah c'est sympa, merci. Mais je te parlais de mon gratin de chou-fleur aux tripes. Ah oui, ça. Oh, surprenant.